Ah oui. Hey, les beaux petits nuages, pis tout, parce qu'il reste une peinture de monnaie. On rentre. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir baisé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Et bon, boy. Avais-tu un glitch, toi, en voulant un? T'avais pas dit que ça avait parti, toi. Non, j'ai dit ça roule. Ah, hey, j'ai tellement pas entendu ça. Ah non, c'est parce que t'arrêtais pas de dire comment est-ce que c'était beau les nuages. Ah non, mais écoute, là, comparer tout ce qu'on a devant nous à des peintures de monnaie, là, tabac. Oui. Faut être culturé, qu'ils disent. Alors, pour vous mettre en contexte, chers barriqueux et barriqueuses, il y a eu un coup de vent tellement fort que le toit de la grange est parti, puis on se ramasse dehors. Ben, c'est ça. Dans la grange, mais dehors en même temps. Puis, le coup de vent a été tellement fort, puis à travers tellement toute la province, yep, qui nous a amené un invité spécial du Nord. Tabarnouche. Hey! C'est Monsieur Poilman. Bon, bienvenue parmi nous. Allez, merci de l'accueil chaleureux et venteux. Alrighty then. Surtout venteux. Dans une grange décapotable, c'est le rêve. Ah, écoute, ouais. On est juste pas capable de la recapoter. Non, ça, c'est le bout de fatigant. Mais c'est vrai que c'est facile de ramasser de l'argent là, avec des sites web et des campagnes sur les Facebook. Là. Avec des handicapés, tu fais bien. C'est exactement. T'en perds beaucoup, mais il y a moyen d'en refaire aussi. Ça dépend de quel bord que t'es, mais ça, c'est un autre histoire. C'est un investissement, dans le fond. C'est un investissement à très long terme. Oh, ouais. Pas que les REER. Comme dit Donald Trump, you gotta waste money to make money. Ah. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'est-ce qu'il dit, lui. On le répétera pas ici. Fait que, ben, tout ça pour dire, on est dehors, on est sur une terrasse, oui. Petit vent, petite bière, oui, petit on est, tout. On est sur une terrasse présentement non achalandée, mais ouais. Publique quand même. Oui, donc on ne mais sait pas, semi-privée aussi. Ouais. Ouais. Ça se pourrait qu'il y ait des bruits de background. Il va y avoir des bruits de vent, il va y avoir des bruits de porte, puis peut-être des bruits de pète. Je m'en allais exactement là. Puis je dis, pourquoi t'enregistres pas, toi? Nous éprouvons présentement des problèmes techniques. Nous éprouvons présentement des problèmes techniques. Ouais. Ça nous a emporté, on est revenu. Ouais, ouais. Fallait incarner 2-3 buts, puis. Ah, oh, ben de toute façon, nos buts ont plus de compte, ça fait longtemps. Depuis le grand accident de 83. Les bœufs ont plus de cornes. Les bœufs ont plus de cornes, les vaches ont plus de lait, les poules ont plus d'œufs. Il y a pas moyen de faire de l'argent avec cette ferme-là. Non. Qu'est-ce qu'on fait encore ici, d'ailleurs? Nous autres, on attend le retour sur l'investissement. D'où le pourquoi on est... je veux dire, en tout cas, ouais. D'où le pourquoi on utilise notre vieille jument. Oui, c'est comme chose pour essayer de nous aider à trouver des sous à un moment donné. Donc, bref, on va commencer avec la bière, premièrement. On va commencer par la bière, puis on va commencer par un message d'intérêt public, comme quoi que ça a l'air d'être assez improvisé à soir. On sait pas comment ça va avoir l'air à la fin, surtout avec la quantité de bouteilles que je vois en face de moi. Il y a la quantité de bouteilles, le fait qu'on n'a pas de plan, le fait que ça a pris 45 minutes à se setuper. Il y a bien des affaires qui vont faire en sorte que ça va être fun des ballons. Ouais, je t'avais remarqué que c'était moins de 45 minutes pour setuper. Je vous promets qu'un jour, je vais finir par comprendre comment ce nouveau programme-là fonctionne. As-tu parti le scan de ton antivirus? Entendez-vous les gens ricaner ici? Là? En fait, je devrais peut-être. C'est sûrement un de ces facteurs-là en ce moment qui nuit à notre performance. Bon. Allez, go. Donc, qu'est-ce qu'on boit pour commencer, mon Gaétan? Ben c'est un cadeau de M. Poilman qui a ramené ça. Merci bien. Directement des Nords, on va dire. C'est oui. Il a vu qu'il n'y avait pas vraiment de thématique, puis que j'étais pas très, très inspiré avec pas de thématique. Je disais, hey, je vais prendre de quoi? Ah, le Nordique, ça y est, je prends ça. Yeah! Fait qu'on a la Nordic Pale Ale de Bose qui est faite en collaboration avec Kissmeyer. Bière forte, 5,6%. Écoute, il n'y a pas vraiment plus de description que ça. Elle est juste vraiment bonne dans la yacht. Puis elle est bleue. Et ouais, rouge. Elle est bleue, bleue, rouge. Ah, l'étiquette, ça, tu parles pas de la bière. On parle encore d'art. On parlait de monnaie puis de Rembrandt. Oh, tout ça, ouais. c'est les applicas minimalistes ou les aplats minimalistes. Ouais. C'est deux couleurs primaires, ça aussi, est-ce que j'ai entendu dire. C'est le ouais, dans le triangle des couleurs. Ouais. Celui du primaire. Là, qui... c'est celui que tout le monde a oublié. Là. Ouais. Cyan, magenta. C'est jaune. Moi, j'ai juste. Jaune, c'est jaune n'a pas d'autre nom que jaune. moi, je me rappelle jamais dans ma tête, c'est toujours CMYK. Tu sais, comme. Parce qu'à cause de Photoshop, ces affaires-là, là, c'est cyan, magenta, yellow, puis black. Fait que c'est ouais, mais noir, c'est même pas une couleur. À part de ça, c'est l'absence de ton. Mais non, c'est toutes les couleurs. Noir, ouais. C'est toutes les couleurs. C'est toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Hey, on connaît bien trop d'affaires. Ouvre une bouteille de coller. Ouais, on est faut oublier ça. Moi, j'avais entendu dire que quand tu mélanges toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait brun. En fait, ça fait de l'arc-en-ciel, mais toutes les couleurs du monde. Ça... Ouais. Allez, ouais. Hey, on a pas entendu le push. Ben, il était pas fort. Il était comme caché derrière nos balivernes de couleurs. Ouais, j'ai encore scrappé le moment. Désolé. Ben non, voyons. Ça a bien du bon sens. Elle a parlé parce que moi, sous le conversé. Mais là, c'est comme Pullman disait, on n'était pas vraiment en possession de plan pour ce soir. On va improviser, comme je me le répète. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a joué en commun, qu'est-ce qu'on a envie de jouer, qu'est-ce qu'on a hâte que ça sorte. Puis, t'as-tu vu Stranger Things, toi? J'ai pas vu ça, mais moi, t'as dit que j'ai le goût de voir ça. OK. Ben, je pensais en faire un petit segment, mais finalement, non. Ben, moi, je dis qu'on peut en parler sans spoiler. Faire la recommandation de la chose. Pourquoi devrions-je écouter Stranger Things? OK, ben, c'est un excellent segment, ça. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu devrais écouter ça, toi? Quand je pourrais juste flatter ma vache? Ben, à la place. En fait, tu pourrais flatter ta vache et écouter Stranger Things en même temps. Ouais. C'était assez de long de câble pour amener ta TV, là. Ouais. Mais tout ça pour dire, si t'aimes tout l'univers des années 80, les soundtracks de synthétiseurs, les films d'aventure avec des enfants dedans, c'est sûr que tu vas triper là-dessus. Genre, t'as pas le choix. Si t'as aimé E.T., si t'as aimé Stand By Me, si t'as aimé genre tout ce genre de films-là, même un peu Super 8 là, qui est sorti plus récemment, mm-hmm. là, si t'aimes cette vibe-là, là, comme Stranger Things, c'est fait pour toi. Okay. Puis c'est une série qui va rendre hommage à toutes les pas les films d'épouvante, là, mais les films de peur des années 80, début 90. Fait qu'on va voir plein de plans qui vont référencer ici Alien, ici les Goonies, ici Jaws, ici pis ça. Puis c'est le fun parce que c'est pas cheap. C'est pas mal fait à un point où ils ont copié. Non, c'est vraiment les gars ont tellement trippé puis ils se sont dit comment ça se fait que la télé à cette heure c'est juste rendu du monde assis qui parle. On va faire de la bonne télévision. Puis ils ont fait ça. Puis c'est tellement bien écrit que la saison ne dure que 8 épisodes et en 8 épisodes, ils en disent plus que la première saison de Lost au complet. Mais ça, c'est un fléau dans les séries télé. Peut-être qu'on fait un. Non, mais c'est correct. Non, on est un peu télé en série, là. Qui s'obstine à faire des saisons de 20 épisodes, que la moitié c'est du feeling. Ouais. Les séries qui se font en 10 et 8 épisodes, ouais. Comme Stranger Things, semble-t-il. Regarde, c'est short tout le temps, sweet. C'est short and sweet, tu te perds pas, tu dis ce que t'as à dire, puis bingo. C'est, ouais, c'est... Honnêtement, là, je veux dire, souvent dans les séries où t'as genre 24 épisodes dans une saison, tu sais, t'as du filler, t'as pas le choix, là. Ouais. Ça, t'en as. Tu sais, comme l'épisode avec le couple là, qui a volé les diamants dans Lost. Là. Hey, c'est bon, ça doit faire 6 ans que je peux écouter Lost. Là, en tout cas, il y a un épisode où c'est juste ces deux-là. Là. En calice, deux autres. 10 ans de Lost, hostie. Hey, il y a de la bière devant moi, puis il n'y a pas bu. Hey, c'est vrai. Bref, Boilman, heureux de vous revoir dans les vidéos. Cheers, hostie. De l'accueil. Yes, sir. Ça fait plaisir. Fait que Kissmeyer. Kissmeyer. Je vous laisse prendre votre gorgée pour pas laisser des. Ah, t'as boire, c'est bon. Elle est un peu chaude, mais elle est bonne en tabarnak. Elle est beaucoup trop chaude, mais ça, là... Ça fait du bien par où ça passe. Ça, c'est ce que pourquoi qu'une IPA, c'est bon à boire l'été, tu sais. Ah, ben oui. C'est... Mais c'est une PLL, non pas une IPA. Ouais, mais moi, t'as dit qu'elle file l'IPA, je trouve. Ouais. Elle en a dans l'âme. Elle a une coupe de cocotte doublon de pitcher à la même minute là-dedans. ils t'ont garoché ça là-dedans, ça revolait partout. D'ailleurs, c'est-tu marqué qu'est-ce que... Ben, t'as les ingrédients en arrière. Il doit y avoir du citra, pis de je sais pas quoi, là, du mosaïque, mettons. Là. Y a-tu du galaxie? Au houblon biologique. Ah, on c'est le saura jamais. C'est correct, ça. Il existe pas encore, ce houblon-là. Ah, mais y a des. Je trouve pas en français, là, mais il y a l'air d'avoir des. Ah non, je. J'avais lu des cranberges océaniques, mais des sont. Des cranberges océaniques? Ouais, mais sont juste organiques. Ah. Je vais vous laisser parler. Non, c'est bien bon. Mais tout ça pour dire, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Tu sais, moi, vraiment, il n'y a pas un épisode où j'ai fait comme cet épisode-là était moins bon. On dirait que tout se suivait, tout avait du sens. Le dernier épisode, j'ai eu des frissons. Ah ouais, des sentiments aussi. Moi, là, j'étais sur le bord des larmes. Ah ouais, c'était quelque chose. Ouais. Fait que, honnêtement, là, si t'as. En fait, c'est entre 45 et 55 minutes, oui. Je pense, de l'épisode. Ça varie d'un épisode à l'autre. Oui. Mais si t'as, mettons, un 8 heures à passer, là, comme mêlé là-dessus, là, ça va à peine en tabouinage. Que je peux passer mon 30 gigs de bande passante. Je peux le louer à ça, ça vaut la peine. Oui, beaucoup plus que si t'aurais voulu, mettons, loader 30 gigs de cops. Ça, c'est moins intéressant. Je te dirais qu'après 1 gig, d'habitude, t'as fait le tour. Je te dirais que pour bien balancer cops, va te pogner du dog de Bounty Hunter aussi. Et tu vas voir les deux côtés de la médaille. Mais tu pourrais aller sur genre Pirate Bay puis trancer un 100 gigs de Maury, par exemple. Ça vaut la peine. Là, vous m'avez perdu officiellement. C'est le Maury, c'est Jerry Springer. Ouais, c'est le Jerry Springer cheap, parce que lui, il fait juste des tests de paternité, puis c'est comme « You are the father! » Puis là, t'as comme tout le monde qui capote, puis il y a des chaises qui arrachent, en tout cas. C'est super trippant, là. Est-ce qu'il a invité des chevals, puis tout ça? C'est quand quelqu'un a annoncé à sa femme qu'il était en amour avec un cheval. Ce qui peut arriver, mais souvent, il y a des segments où c'est genre « j'ai une phobie particulière, un peu spéciale. » Puis dans ce temps-là, il essaye de faire confronter la peur au monde, t'sais. Fait qu'à un moment donné, il y a une fille qui avait peur des poulets. Parce que ça a l'air qu'elle avait peur des poulets. Ben, ils ont fait rentrer. Ils ont appelé, puis on a envoyé nos poulets. C'est vos poulets non biologiques avec pas de tête et pas d'aile. Exact. Ouais. Fait qu'elle a pas vraiment eu peur parce que ça ressemble pas à un poulet finalement. Là. Mais non, pour vrai, dans cet épisode-là, ils ont fait venir un gars déguisé en poulet qui est rentré sur le stage, puis la fille s'est mise à capoter. Le monde, ça criait dans la salle, c'était d'une beauté. Mouah, un grand moment de télé. Maman? Oh, non. Maman? Vous allez comprendre à un moment donné cette référence-là. Je sais pas si ça vaut la peine d'en parler. Non, parce que ça se décrit pas, faut le voir. En fait, faites juste chercher sur YouTube. C'est quoi? La mort avec un whippet. La mort avec un whippet. Tout simplement. C'est un extrait d'une des émissions de L'amour avec un grand A, tu sais, de cette chère Jeannette. Puis, c'est juste, c'est un enfant qui rentre chez eux, puis il doit dealer avec la mort en mangeant des whippets. Ah. J'irai pas plus loin, là, je veux dire, il y a pas grand chose de plus. D'ailleurs, je pense que c'était Pierre-Luc de Trois-Bières qui avait mis ça sur le Twitter plus tôt aujourd'hui. C'est d'ailleurs toi qui m'avais référencé à cela. Oui, c'est ça. Vous êtes en forme au niveau de vos références obscures aujourd'hui? Hey, quand même pas peur. On a eu pas mal de temps à passer sur les internets à la job. Ouais, mais on s'égare, on n'est pas supposé dire ça. Donc, bref, parlant de jeux vidéo, à qu'est-ce que tu as joué puis qu'est-ce que tu joues là, toi et mon poilman? Eh, hey, boy. Ben là, je dirais que j'ai fini un gros jeu. Un gros jeu? Il n'y a pas longtemps. Fait que là, je suis dans l'agréable et la non-agréable période où je dois choisir un nouvel élu. OK. Fait que comment gros comme jeu, mettons? Là, ben, j'ai terminé mon fameux Ni no Kuni, que ça fait à peu près 15 ans que je joue OK, parce que ça fait quand même longtemps que tu l'as. Ça fait longtemps que je joue. Puis là, je l'ai fini. Tu l'avais jamais passé avant, là? Non. Okay. Que, j'ai fini une soixantaine d'heures pourtant, c'est pas la fin du monde, mais ça a comme quand même été long à se rendre là. C'est comme on parlait des séries trop longues avec des fillers. Ouais. Mais ouais, c'est comme 12 fois plus long que Stranger Things finalement. Ouais, puis beaucoup plus de fillers aussi. Fait que disons que des fois ça décourage un peu, mais bon, j'ai réussi surtout que comme deux fins ou. Je voulais dire comme 8. Ah, rendu là, ouais, ça commençait pas à faire des maths à se t'asseoir. Hey, j'ai terminé ce jeu-là, qui était quand même une belle ride, c'est cute, c'était beaucoup trop long pour rien, beaucoup trop stock, mais si j'avais joué ce jeu-là à 14 ans, je pense que j'en aurais eu vraiment pour mon argent, surtout qu'un mané est tombé à 5$. Ouais, c'est vrai. Une couple de fois en numérique, là, ouais. Ben, t'en as à l'infini, tu ramasses des espèces de simili Pokémon là-dedans, fait que si tu veux toutes les pognées, go for it, faut que tu fasses évoluer, on a trois évolutions, la dernière évolution split en deux. Fait que okay. Pour chaque Pokémon, t'as deux autres choix finales. Fait que faut que tu le recommences au début pour avoir la deuxième évolution finale. Juste ça finit plus de finir. Il y a des quêtes, side quests, bref. Un jeu qui pourrait plaire aux gens qui ont beaucoup de gens qui aiment ça pas finir. Mais je pense qu'il y a des boss un peu comme les Atma Weapon aussi, là, qui sont pas tuables, qu'il faut que tu grindes comme un... Tu vois, juste à t'entendre en parler, je suis déjà tanné. Genre, tu sais, c'est comme. Je suis au point, genre, je sais que je passerai comme 5 heures là-dessus. Je serais comme. J'en viendrai jamais à bout. Comme ça, non, juste non. C'est... Mais c'est ça. Mais malheureusement, c'est plate que ça soit long, même décourageant, parce que c'est quand même une belle petite histoire. Puis. Il est beau le jeu, on sait. Il est super beau. Ça manque beaucoup de séquences d'animation de Ghibli, par exemple. Ouais. J'en voulais plus. Il y en a au début, puis à un moment donné, ça se calme, il y en a presque pas. Puis sont très, est-ce que c'est un jeu commandé par Ghibli, justement? Non, ça a été une espèce d'association. OK. Puis c'est Level 5 qui fait le jeu. qui sont déjà quand même assez bons dans leur propre animation. Mmh. Puis c'est un partenariat. D'après moi, c'est un petit peu un coup de marketing d'un bord et de l'autre. Là. Ben, tu vois la preuve que ça a marché 14 ans plus tard, tu continues à jouer à ça. Et voilà. Même s'il est sorti, il y a peut-être 5 ans. Mais c'est ça, donc là je suis dans la phase où je dois choisir un autre jeu. Donc là j'ai plusieurs prospects, dont des JPEG, mais là je me dis qu'il faudrait peut-être que je me lance dans un petit quickie. Un cookie, c'est parce que c'est satisfaisant, parce que tu sais que tu t'embarques pas dans le quad long. Tu sais que ça va être short and sweet, tu finis ce que t'as à faire. T'es content. Mmh. Ça fait du bien. Ça fait du bien en tabarnak. Donc, c'est ça. Je sais pas quel va être mon élu de mon cœur, mais je risque peut-être de finir Heavy Rain, que j'ai pas terminé. Ou peut-être Vanquish aussi, que je sais qu'il se clenche en genre un après-midi. Supposé. Mais il est pas facile. C'est quand même tough. Moi, quand j'ai joué à ça, là, le deuxième, troisième stage, là, j'ai manqué de balles rapidement, puis je me faisais clencher, là. Fait qu'il y a énormément de stratégies à devoir stratégifier dans ta partie à Vanquish. Mais c'est bon, il était magnifique. Puis j'aime l'idée de la saute aussi. T'as des super pouvoirs, tu ralentis le temps. Puis l'évolution des guns, mais l'évolution. La variété des armes que tu peux mettre la main sur aussi. Il faut vraiment que tu manages bien ça pour te mesurer aux bosses. C'est un jeu, c'est vrai, que quand il est sorti, tout le monde a dit que c'était de la merde. Puis... 5 ans après, tout le monde a dit que c'était écœurant, ce jeu-là. Fait que... C'est bizarre, hein? Mais c'est parce que c'est un sleeper hit, tu sais. C'est le genre de jeu où ça a passé en dessous du radar parce que c'était pas... Comment je pourrais dire? Mais c'est quand même Sega, c'est ça. C'est... Ouais mais tu sais, Sega, c'est dans le temps où ils publiaient genre un paquet de jeux, puis c'était pas nécessairement tous des bons jeux. Fait que tout le monde n'a pas voulu truster ça plus qu'il faut. Fait que c'est plus tard, justement, quand il y a du monde qui l'ont essayé, en fait... Non, c'est le principe du bouche à oreille, tu sais. Ouais. C'est qu'il y a une poignée de monde qui se sont risqués puis qui l'ont essayé, mais en fait, Chris, c'est donc bien bon, ça. Finalement, ben, ça a fait ce que ça a fait. Non, un third person action shooter short and sweet. Ben ça, pour un quickie que je veux une raid différente d'un JRPG, je pense que ça pourrait être un excellent candidat. Ouais, ça brise le rythme. Je sais même pas si t'as des slots de level up puis d'upgrade. Tu sais, oui, là, tu deviens plus fort parce que tu prends des meilleurs guns, là, mais c'est vraiment là, du début jusqu'à la c'est fin. C'est ton skill à toi qui upgrade, c'est toi-même qui level up et qui fait que le jeu est plus facile et plus torcheux. Comme je veux pas m'aventurer dans plusieurs choses que je ne connais pas, je vais dire que je me rappelle pas. Fair enough. Une autre de ces soirées. Mettons. Il y a bien des affaires que tu te rappelles pas, anyway. Et pas là. Il y a du monde qui m'ont raconté des choses que j'ai faites à ma fête cet été. Le bucket de Corona, t'es juste 20$. Oui. La Corona? Ça a l'air qu'il boit ça, lui. Pas mal juste ça qu'il y avait dans le bar où ce qu'on était. T'étais-tu en ville? Absolument pas. J'étais en campagne. Tu sais, parce que pour eux autres, la Corona, c'est exotique, c'est fancy, c'est... C'est aussi Molson qui distribue ça, je pense. Fait que... Oui, mais ça... C'est pas grave, ça. Le marketing te dit que c'est fancy et que c'est exotique. Oui. Fait que faut que tu le crois. Hey, ouais. Parlant de Corona, là, vous ennuyez-vous de la Brava, vous autres? Pas en tout. Non. OK. Moi, je m'excuse. La toune, elle reste dans la tête, là, tu viens oh, de la dire. Oh, boy, non, j'ai aucun souvenir. Brava, quelque chose, soleil, là. Ça, non, ça sonne créolesque. Ah, je sais pas. Mettons, mais non, mais je sais. Moi, toutes ces bières-là, genre, un peu génériques, je sais pas, non. Mais je sais pas, mais je l'aimais, la Brava. Hein, puis, mais visiblement, je suis le seul. Peut-être que j'aimais la forme de la bouteille, je pense. C'est peut-être ça. C'est une bouteille de Coke. Mais tu sais, la bouteille de Modelo est bien le fun, mais la Modelo elle-même, c'est de la Corona. On a un coup de joie avec la Modelo. Ah ouais? Ouais, puis je l'ai pas goûté. Une exploration. Honnêtement, j'ai le feeling que ça goûtait la Corona un peu plus léger, je te dirais. Tu sais, peut-être un peu moins goûteuse. Ouais. La Corona, ça a déjà pas grand-chose à dire. Non, mais c'est ça. Je te dirais. T'en sors ton poc, toi, là. Ouais, désolé. Fait que tout ça pour dire. Fait que toi, à qu'est-ce que t'as joué? À qu'est-ce que j'ai joué? Ben, j'ai entamé très profondément ma partie de non-cartographié 4. Toi pis ton non-cartographié. Je sais bien. J'ai pas envie de voir de laser à soir, là. Non. Fait que non-cartographié 4, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ça. La seule affaire, c'est que je pense que j'ai les mêmes maudites réserves qu'à travers toute la trilogie. Que c'est ça, c'est frustrant au même moment, mais maudit que c'est donc bien écrit, puis maudit que tu vois venir les moments, puis je trouve qu'il y a peut-être moins de passes d'action comme dans le 2 ou le 3. Il y a moins de bouts où est-ce que t'arrives dans quelque part, puis là tout explose, puis ci, puis ça. Mais je pense qu'ils ont appris à un moment donné que genre tu fais pas juste faire des explosions partout, puis que ça allait gagner le monde. Non, mais moi ça m'avait gagné pour le 2, puis oui, ça s'est transposé dans le 3. Mais le 2, c'est le 2. Le 2, c'est un maudit. Parce que moi, je me souviens que dans le 1, Il y a beaucoup de moments que j'avais décroché parce que c'est pourquoi que je tire sur du monde en ce moment? Pourquoi qu'il y a des jobbers là, live, qui me tirent dessus? C'est vraiment juste comme on va appliquer une scène d'action là, on va faire exploser des choses parce qu'il faut de l'action. Ouais. C'est le moment, on est rendu à tel tiers du jeu, il faut de l'action. Puis ça, c'était limite, c'était un peu turn off. Ce qui n'était pas le cas dans le 2. Dans le 2, c'était assez génialement écrit pour que ça soit trillant, du moins narrativement important ou utile. J'ai utilisé le mot narratif. Mais dans le cadre de la narrative, c'est vraiment la grosse drive. Si ça on a l'air assez solide. C'est, oui, puis je trouve que autant que c'est bon, que c'est profond, puis que ça a plein de choses à vouloir dire, j'ai encore des réserves. J'ai l'impression qu'il y a des plot holes ici et là, puis qui s'assument pas tant, puis que ça nous amène à devoir aller faire ça, puis ok, fine. Puis tu sais, c'est ça la différence entre un film interactif puis un jeu vidéo. On joue un film interactif dans Non Cartographie 4, puis il y a des choses qui font juste pas de sens, puis c'est pas grave parce que c'est ça un jeu vidéo. Mais non, c'est le fun. Les puzzles sont assez intéressants. Le combat, il prend une nouvelle dimension là, avec la verticalité à cause de ton hook. Tu peux lancer un grappelin genre. Avec là, tu peux faire des espèces de passes parce que tu cours, tu lances en patente, tu fais une espèce de gros swing, tu reviens, tu frappes le gars dans les airs, tu le désarmes, tu prends sa mitraillette, tu tires sur le gars qui s'en vient. C'est bref, il y en a de l'action là. Les véhicules conduisables aussi maintenant. Puis c'est ça, c'est vraiment juste un Uncharted un petit peu plus boosté. T'as aimé un 2, 3, tu vas jouer au 4, tu vas avoir autant de plaisir, puis quand tu vas avoir fini, tu vas faire bon, qu'est-ce d'autre? Fait que j'ai commencé Doom. Parce que tu sais, hein, un coup tu sors d'un shooter, pourquoi pas remettre dans un autre shooter? Aller dans l'enfer de l'espace. Man. Doom. Pourquoi? C'est bon en... C'est bon, excusez. Non, mais c'est ça, c'est... Je renoue avec les first-person shooters du temps de Unreal Tournament et compagnie, là. C'est fluide, c'est rapide, ça explose de partout. Faut jamais que tu restes plus longtemps qu'une seconde à une place. Il y a cette énergie-là, cette énergie frénétique-là dans Doom qui est intéressante. Puis le jeu te prend pas pour un cave, parce qu'il y a beaucoup de secrets à travers tous les tableaux, mais tes voix. Faut que tu y accèdes, mais tes voix. Puis il y a des affaires à faire pour voir encore plus qu'est-ce que c'est, puis à quoi ça sert. Puis ça vaut vraiment la peine d'y aller parce que c'est ça qui va te permettre d'upgrader tes guns, ta soupe, puis ces affaires-là. Fait que ça vaut la peine. Puis le jeu, c'est ça, il prend pas pour un cave parce qu'il te cache pas. Il te dit qu'il y a quelque chose par là. Fait que c'est soit que tu vas de A à B puis tu passes pas par tout le reste de l'alphabet, là, ou ben t'es un peu comme moi puis tu peux faire tout le tour du stage, tu ramasses absolument tout ce que tu peux, puis tu ressors du stage tout simplement plus fort techniquement parlant, là, statistiquement aussi, parce que tu sais, t'as comme ben, plus de ci puis plus de ça. Le leveling est le fun au niveau des guns, la saute c'est séparé en plusieurs aspects aussi. Non, c'est le fun, ça kick des culs donc. Ben, tant mieux. La musique est fucking bonne aussi. C'est violent. Ça a toujours été le point vendeur de Doom. C'est tellement satisfaisant, un bon coup de 12 dans la face. Est-ce que tu peux le mettre à ultra-violence? Tu peux le mettre à niveau de difficulté très dur, mais ultra-violence dans le sens où ça rajoute des litres de sang par coup de feu. Non, mais dans le sens qu'il me semble que c'était le dernier niveau de difficulté dans Doom original. Là, il y a quelque chose comme Nightmarish, mais je me souviens pas du nom qu'on donne au niveau de difficulté. Mais ouais, comme. Moi, mon. Un collègue de job m'avait dit que lui, il avait mis ça au pire niveau de difficulté. Là. Ça y a pris une demi-heure passer la première salle. Eh hey boy. La première salle, là, que moi j'ai faite puis que ça a été correct. Une demi-heure. Quand même. Est-ce que tu peux faire comme dans le Doom original? Parce que moi, je me rappelle, un de mes amis. Moi, je jouais à Doom à pas trop dur parce que je voulais pas jouer à trop dur. Puis, tu sais, je comprenais pas le trip. Et maintenant, mes amis, ils ont dit « Doom, ça joue seulement à ultra-violent. » Je dis « Ben là, pourquoi? T'as peur, je vais te montrer. » Fait que là, il y a 12 000 bébites partout. Mm-hmm. Mais là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'arrangeaient pour que les bébites se tirent dessus. Quand les bébites se tiraient dessus, ils se réattaquaient. Fait qu'ils utilisaient cette stratégie-là à ce niveau de difficulté-là qui le permettait parce qu'il y avait de la bébite partout. Ok. Là, je sais pas s'il y a ça dans le nouveau. Ben, sais-tu, pendant un loading screen, il y avait un hint qui disait que parfois les ennemis peuvent s'attaquer entre elles. Je dis elles, je sais pas pourquoi. Je me souviens d'une pièce, là, parce que c'était deux rangées de bébites qui se faisaient face. Okay. La meilleure stratégie, c'était d'ouvrir la porte, de partir en courant. Ok. Puis de fermer l'autre porte, puis t'attendais 5 minutes, puis après ça, tout le monde était mort. C'est comme la meilleure stratégie ever. C'était assez. T'attendais 5 minutes avec la porte fermée avec des bruits de. Exactement. Ah, c'est bon, ça. Ben, je sais pas si tu peux t'attendre à te déboucher une bière pendant ce temps-là. Et voilà. Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. C'est le temps de caler une bonne. Tu crinques le volume, puis t'écoutes ça pendant que tu ouvres la porte du frigidaire. Parlant de bière, toi, il t'en reste. Toi, il t'en reste pas. Moi, il m'en reste pas. Oh. Attends, ben, il reste un microphone. Ben, c'est correct que, de toute façon, le microphone, il risque de, ça va tout être le enfin, le résidu. Là, ah, mais comme dit le chef Groslo, c'est les motons qui goûtent le plus bon. Si t'es vœux, moton, man, garde-toi. Ben, il y a peut-être d'autres motons dans d'autres bouteilles que j'essayerais bien. Parlant de moton, je pense que j'ai un moton de moustique. Protein! Non, mais ça, c'est des protéines de plus, c'est correct. C'est pour tes gains, ça. C'est ça, t'auras pas besoin de prendre ton shake demain matin, ça va être bien bon. Mais pendant que je, en retardataire, je termine la bière. Ben, je peux quand même ouvrir l'autre. Ben, c'est ça, faire la cérémonie pour Faisons le lien à ça. Donc, on continue avec Bose. On continue avec Bose, puis il y a encore un petit quelque chose de nordique, hein? Parce que Poelman, parce que la Nordic Pale Ale. On boit la Wag the Wolf, qui est une Hopfenweiss. C'est ça qu'ils disent. En tout cas, j'aime pas ton accent allemand. Excuse. Tu viens de déclarer la guerre à un pays, là. Attends, 99, la Moi, tout ce que je sais, c'est 99 Love Ballons. Tu sais, c'est. On dit Luft Ballons. Hey, écoute, là. Chante-la. Ah ouais. Non. T'as dit que tu la connaissais par cœur. Chante-moi trois. Après ça, on va chanter Moscow. Ben justement, j'ai amené mes costumes. Shotgun le verre. Oh, maudit. Le chauve, c'est lequel déjà? C'est le Monsieur Bleu. Bleu, ouais. Non, mais Monsieur Vert avec sa moustache, là, il est de toute fucking beauté. En plus, c'est le plus offbeat de la gang, il est écœurant. Ouais. À Mané, foire de pied, puis il est plus pantoute sur le beat. Puis, ouais. Il y a juste le Genghis Khan au milieu qui lui... tout le temps top notch. J'ai essayé de faire son move de déplacement de jambe gauche à droite. Là. Man, ça travaille les abdos, pas pire ça. T'as pas besoin d'aller faire des pilates. Là. Ça, c'est remplace ton Just Dance par le vidéoclip de Moscow. Mais d'ailleurs, il était pas dans un des Just Dance. Fort possiblement. C'était un peu dommage parce que c'était pas la chorégraphie originale qui était suggérée. Non, ça, mais je pense que c'était la première, le dernier Just Dance. Ah. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui ont starté une mode quelconque, puis ça s'est ramassé là. Ben, tu sais, c'est ça. C'est les vidéos virales, les mémés qui appellent. Ça s'appelle un mème. Un mème. Il y a une manière de dire le mot mème. C'est pas un mème, c'est pas un mémé, c'est un mème. Un mème. Tu liras le principe de Lucifer, là. Le principe de Lucifer. Ouais. C'est un livre. Tu manques de liquide. Peut-être que je manque de liquide. Man, j'en prends toujours plus de liquide. Mais non, c'est ça. Fait que oui. Moi, ces vidéoclips-là, là, où est-ce que c'est un stage, deux caméras, puis c'est tout le temps une alternance entre une caméra puis l'autre, puis pendant que c'est sur une caméra, l'autre, faut vraiment qu'il se dépêche à zoomer in sur l'autre plan qu'il veut, là. Da-da-da de trio, c'est la même chose parlant d'allemand. D'accord. Je l'écoute beaucoup ces temps-ci. Ah. Mon bébé aime vraiment beaucoup cette chanson-là. C'est pas le da-da-da. Oui, c'est okay. Ça. Mais tu sais, la version originale, là, pas... en la go. Toi, écoute... Ouais, écoute, t'as joué, toi. Tu sais, tant qu'à ça. Ben, moi, récemment, j'ai parti Life is Strange. Jeu que tu avais parlé. Life is Stranger Things. Là, c'est quoi la différence entre les deux? Si, bon. Pas en affaire, pas en tout. Quoique. Ça inclut des jeunes étranges. C'est ça inclut des jeunes étranges. Des jeunes étranges, comme. C'est pas des ethnies, là. C'est pour ça qu'on voulait dire. Mais pas qu'on dit que les ethnies sont étranges. Ah, mais en campagne, t'as personne même. T'as personne étrange. Quelqu'un que tu sais pas c'est quoi, que c'est. Je pense qu'on les appelle les Zoulous de notre bout, mais on. Ne nous aventurons pas de l'autre côté de la traque, s'il vous plaît. On pourrait faire de l'argent. Dieu sait que ça serait pas correct de faire de l'argent. Bref, à quoi tu joues, toi? Notre jument qui est handicapé, en tout cas. Donc, ils en font plus des chaises roulantes pour cheval, Chris. Le fournisseur a dit que ça se faisait plus. Donc, Life is Strange, jeu publié par Square Enix, qui est fait par Dontnod. Ouais. Dontnod Entertainment. Jeu qui est... En fait, c'est un point and click, on peut dire. Oui. C'est juste, tu sais, tu peux déplacer ton personnage physiquement, mais ça reste un... Genre, au corps, c'est un point and click. C'est éhontément calqué sur le template de Telltale, le point and click avec des choix décisionnels et moraux et un scénario bien étoffé. Exactement. C'est le même pattern. Ouais, sauf que ça, c'est vraiment une histoire originale et non pas tirée d'une bande dessinée quelconque qui est. Tu sais, quand même, tout ce qui est Telltale, c'est, dans le fond, c'est des licences. Ouais, tout à fait. Tandis que ça, c'est vraiment plus comme une histoire originale. C'est ce que je voulais dire. Tout ça pour dire, non, c'est l'histoire de... C'est Max, son nom? Oui, ouais, c'est ça, Max. Caulfield, oui. Qui va à l'école, puis qui se met à avoir des visions de choses qui vont arriver, puis elle peut remonter le temps, puis il y a plein de choses qui se passent, puis là, tu veux pas en parler trop parce que tu veux pas spoiler, là, mais il se passe des affaires bien bizarres. Puis en même temps, là, elle reconnecte avec une amie qu'elle a pas vue depuis longtemps, puis là, t'as tout le côté, genre... Ce qui est bizarre, c'est que t'as deux univers là-dedans. C'est un univers super fantastique où il y a des pouvoirs qui se peuvent pas, mais t'as des relations ultra-humaines avec lesquelles il faut que tu deals, des choix super déchirants qu'il faut que tu fasses. Fait que c'est l'histoire d'une fille qui passe par la puberté, finalement. C'est l'histoire d'une fille qui commence son cégep. Genre. Ah, ok, ok. C'est, ouais. C'est ce moment-là. Fait qu'elle est pas précoce pantoute, elle-là. Là. Ça arrive non, tard. Non. C'est... Ok. Elle est pas nécessairement Gedai, mais c'est fini. On a compris qu'on aime ça les petits gars. On est au-delà de ça. Gedai, j'ai jamais su vraiment comment épeler Gedai. G-U-E. C'est comme Gedi, mais avec un A. Ouais, c'est ça. Ah! Ok. Okay. Non, une bonne Gedai ou poulet. D'ailleurs, une Gedi ou une Goudi, vous autres? Gedi. Ouais, une Gedi. Ok. Ça a toujours été Gedi. Ben, ouais. Des fois, c'est Goudi. En fait, je pense qu'officiellement, c'est Goudi, mais tout le monde dit Gedi. C'est une poutine ou une pitine? Hein? Le tout décaliste. Je t'ai vu pisser. T'essayes encore de te rendre intéressant. Là. Mais oui, mais lourd! Tu faisais ça à l'école aussi, là, quand tu mangeais des crottes de nez. Puis, non, ta colle, non. Moi, à l'école, je disais, toi, quand t'es né, t'étais tout nu, hein? Ben, techniquement, ton pénis était dans... Ah, d'accord. OK. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de faire de l'argent en disant des choses méchantes. Ben, en tout cas, fait qu'on boit la Wack de Wack. Qu'est-ce que ça goûte, ça? Ben, pas pire, pas tout, hein? Fait que c'est une blanche, hein, on le dit tout de suite. Ah, tu trouves, toi? Ah ouais. Mm-hmm. Ouais, oui, il y a la banane. C'est banane, là. C'est banane, ouais, à côté. Ouais, mais c'est ça, c'est le côté Hopfenweisse et non Hefeweizen. Ouais. Oh, c'est quoi la différence? Non, Hefeweizen, c'est une bière de blé qui pourrait être une blanche, mais qui n'en est pas exactement une. Hopfenweisse, c'est... ça là, vraiment bon. Hey, bravo l'explication, bravo. Yeah, yeah. On a un master brewer avec nous autres. Je vais aller faire mes cours bientôt. C'est ça. Je vais apprendre. Mais non, c'est ça, une bonne bière plutôt de type blanche, avec goût très la banane, super rafraîchissante. Encore là, elle est un peu chaude parce qu'il fait chaud. Mais en dehors de ça, vraiment bonne. Moi ça me plaît. Ouais, mon genre de blanche aussi, c'est pas juste effervescent puis blé. Il y a comme l'amertume qui est là qui fait que t'as de quoi te mettre sous ta soif. Il y a un peu plus de corps aussi. Ça l'étanche, ça fait pas juste te bourrer de bubules puis de roter après. Non. Parce que moi, les blanches, d'habitude, je suis pas très blanche dans ma vie. Là. Non, tu sais, moi, Pascal Bussière, je veux dire, c'est hey. Pas ça. Attention à ce que tu dis, toi, là. Patrice Lécuyer pour débarquer. Ouais, aussi. Il pourrait jouer des jeux d'acteurs. Pis... Des jeux d'acteurs. Pour être convaincu. Fait que là, on a chacun joué à deux jeux, mais il y en a un parmi nous qui dit pas la vérité sur le jeu. Pour que vous deviniez qui pis quel jeu. Pis là, faut que vous deviniez si on joue au squelette dans le placard ou au détecteur de mensonges. Oh. Mon parce Dieu! Parce que c'est pas la même chose qu'ils ben disent. Non, pas en tout. Parce que là, avant, t'en avais trois, mais là, t'en as quatre. Non, c'est ça. Quand tu vas être rendu à cinq, là... Il y en a un que c'est un fantôme. Ben là, squelette, fantôme, c'est quoi? C'est un jeu d'Halloween? Ben, c'est un squelette, tu vois, c'est ça. Là, ça a l'air qu'il faut que t'ailles là déguisé, puis... Ça a l'air que Patrice Écuyer mange tous les bonbons sur le plateau en plus. C'est de là, c'est une merde. Genre, elle est pas là. Moi, j'ai jamais compris comment ça jouait le tricheur aussi, tu sais. Faut juste crier, faire des signes avec les mains. Ah, c'est ça, bon. En fait, moi, mon but, c'est qu'il ramène l'ultimatum parce que c'était tellement compliqué que je voudrais y aller, tu sais. Moi, faire des miroirs à du monde des ricochets, c'est ça mon but dans la vie, genre. Tu sais, me faire. En fait, dans la vie, tu devrais pouvoir faire ça. T'sais, tu me poses une question, tu me mets dans la marge, comme ricochet à cet esti de moron-là, là-bas, genre. Puis lui, il est pogné pour répondre à ma place. C'est comme, mettons que tu te fais dire, hey, Gaëtan, ça tente-tu de faire de l'overtime à soir? Genre, c'est ça. Soit ricochet ou miroir, comme toi, tu te deals avec l'overtime. Yes. Tu peux pas appeler quelqu'un aussi pour régler ton problème? Ça, c'est wants to be a millionnaire. Ouais, c'est millionnaire, ça. Ah. Tu peux faire moitié-moitié, tu sais, tu t'enlever la moitié des mauvaises réponses. Ben, excuse-moi, tu t'es enlevé la moitié des choix de réponses. Ouais, en fait, t'avais le choix. T'appelais quelqu'un, tu demandais à la foule ou c'était moitié-moitié. Ouais, demandais à la foule s'il y avait des trolls dans la salle. Ils faisaient payer pas pire. Ou tu demandais à la foule, puis c'était comme. Tu sais, t'as 4 réponses, mais c'était 25 les 4. Tu sais, t'es bien baisé dans ce temps-là. Mais fallait tout le temps que tu répondes avec une question aussi. C'était donc bien fucké. Ah, ça, je comprends. Jo Pardy, moi, poser une question à une réponse. Ah non, mais on s'est entendu que le bout de question, c'était inutile. Tu sais, ils disaient leur réponse, ils rajoutaient juste qu'est-ce que. Avant, tu sais. Non, c'est ça. Fait, ouais. Pourquoi finalement qu'on. C'est même pas le fun, c'est même pas ludique, tu sais. Non, non, non. Mais oui, le seul jeu, seul vrai jeu intelligent à avoir jamais existé était des chiffres et des nains. Oui, des chiffres et des nains. Avec. Ah oui. Ah, ça, là. C'est qui déjà qui nommait? T'avais Paul Cagelet. Paul Cagelet, je pense qu'il parlait d'Éric Lapointe à un moment donné aussi, qui est pas nain du tout, mais dû à sa petite taille. On dit pas Lilliputien. Lilliputien. Aussi, c'est eux autres, les petits bonhommes qui viennent voler tes affaires chez vous. Viennent voler tes bobettes. Ouais, c'est ça. T'as, c'était quoi déjà l'émission, les petits humains là, qui... Les minuscules. Peut-être. À Canal Famille. Oui, c'est ça. Oui. Puis eux autres, ils habitaient dans la maison de Barbie. Puis il y en a un, à un moment donné, il s'est essayé avec Barbie. Il a eu mal. Ça rentrait pas. D'accord. J'ai pas... Moi, j'ai perdu le contrôle cette émission-là. Moi aussi, j'aime bien ça. C'est parce qu'il n'y a pas de toit, là. On a comme aucun... Il n'y a aucun soutien. Ben, je pense que c'est l'air qui vient du champ de Blédine, aussi connu comme étant le champ de pot qui Ah non, je m'en allais dire, c'est pas juste du Blédine, mais c'est un... En fait, on a upgradé récemment, on a enlevé le pot parce que ça vendait pas tant que ça. À cette heure, c'est juste de l'opium. C'est, nous autres, on n'y est pas avec ça. Vous faites des bagels avec ça. Oui. Ça, d'ailleurs, ils sont très bien cotés sur Yelp puis sur... TripAdvisor, ils disent de venir nous voir. On s'est arrangé pour avoir un Pokéstop pas loin de notre école d'opium, là. Ça amène du monde. Fait que là, c'est comme, hey, tu veux-tu un six-pack de bagel? Puis ce qui est le fun, c'est qu'un coup, ils ont mangé six-pack de bagel, mais là, ils vont capturer des Pokémon, mais dans la vraie vie, tu sais. Ouais. Fait que tu les laisses aller dans le champ, puis à un moment donné, ils se perdent. Vous laissez vos pièges dans le champ? Ça se peut, là, mais... Le bon vieux 12 à un pied d'eau avec le petit câble en métal. Là. Mais c'est pas ça à faire, c'est qu'on s'est dit qu'on allait les enlever, mais il en reste tout le temps un en quelque part que t'es pas sûr. Pis t'sais. Ouais. C'est comme les mines quand que les enfants jouent à Pokémon. Écoute, là, moi, là, je mettrais des mines partout tout le temps. Tu peux jamais être trop safe. Moi, je mettrais un piège par-dessus une mine. Ah, tu vois, c'est pas super, ça. Pas pire, ça. Hein? Fait comme ça, tu mets ton pied dessus, t'as mal, tu le lèves, tu sautes. C'est automatique, tu sais. Pas le temps de niaiser. C'est fini ou bye-bye. T'as choisi. C'est ça. Fait que Life is Strange. Rendu à quel épisode? Parce que c'est un jeu. Ben c'est ça. Je suis rendu à la moitié du deuxième. Fait que j'ai pas encore joué beaucoup. Je suis en train de faire ça tranquillement, pas vite. J'ai dit que tu vas sûrement triper à la fin du troisième épisode. Je trouve que c'est là que le jeu prend tout son sens. Ça, combien d'épisodes au total? Cinq. Cinq épisodes. Puis tout le monde me dit à la fin, tu vas avoir des feelings. Là. Oui, parce que c'est un jeu avec des prises de décision. Fait que je veux dire, moindrement que t'es bon scénariste. Ouais. Puis ça, c'est le novelty dans ce jeu-là, c'est que tu peux revenir dans le temps puis changer ta décision. Puis t'es pas obligé de le faire, mais c'est qu'ils veulent jouer dans le fond avec justement ton guilt trip que tu vas avoir. Parce que du moment que tu vas prendre une décision qui va être importante, ça va te dire, cette décision-là va avoir des conséquences plus tard. Mais ça te dit pas c'est quoi la conséquence, c'est juste que ça va en avoir. Mais la conséquence, c'est tout le temps déterminé. Ça, pour être franc, je trouvais que c'était un défaut du jeu. Parce que c'est un jeu... C'est ce concept-là de point and click à décision. Là. Ce qui est cool, c'est que tu as pris une décision, tu peux pas revenir en arrière. Pis c'est ça qui va façonner ton gameplay. Ton aventure. Aventure, merci. Parce que là... Si tu fais le choix, qui est le trip du jeu décisionnel, puis que t'aimes pas ton choix, finalement, t'as pas mal tout le temps l'occasion de changer ta décision. Ouais. Fait que tes choix ont pas tant d'importance que ça. Parce qu'à un moment donné, tu vois quelle qui est bonne, quelle qui est pas bonne. Ouais. Tu peux pas mal toujours revenir sur ta décision. Tu sais, moi, j'essaie de pas l'utiliser. Je me dis... Ben, c'est bien ça. C'est parce que moi, je l'ai utilisé souvent, puis c'était comme un peu moins le fun. Finalement. Au début, justement, ça, j'ai utilisé pour les comme deux, trois premières décisions que t'as à faire. C'est juste pour voir qu'est-ce que ça donnait si j'essayais d'autres choses. Mais à un moment donné, c'est que je me suis dit, si je fais ça, je vais jamais accepter ma première décision. Je vais toujours aller à l'autre. Mais est-ce que c'est pas un jeu qui pousse le joueur à se doter d'une discipline quelconque? Tu sais que tu peux le faire, mais tu le fais pas. T'essayes d'assumer ton choix. Je pense pas. Non. C'est très facile de pas le faire, puis c'est très tentant de pas le faire parce que, contrairement au jeu de Telltale, je trouve qu'il y avait beaucoup de... Il y a une bonne décision, puis il y a une mauvaise décision. Ouais. Okay. Souvent, tu vas être tenté de revenir prendre la bonne décision, tandis que Telltale, c'est souvent deux mauvaises décisions. Okay. Peu importe ce que tu choisis, c'est de la chenoute au bout de la ligne. Ouais. Okay. Il y a un peu moins de ça. T'en as quelques-unes quand même, ouais. Est-ce que les Walking Dead font partie des deux fois mauvaises décisions? Oui. Ouais. OK. Mais naturellement, là, on s'entend. En plus. Je pense que c'est la première décision que tu prends dans Life is Strange, que les deux, tu sais qu'il va y avoir une conséquence, t'sais. Genre, tu sais, qu'il se passe de quoi, faut tu décides si tu dois dénoncer le kid ou pas. Tu sais, si tu le dénonces, il arrive ça, mais si tu le dénonces pas, ben il y a là, d'autres il t'a volé choses. Ton mini-go le midi, tu sais, à un moment donné, là. Faut qu'il paye. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais non, mais tu sais, ça fait que tu sais, t'en as une coupe où genre tu sais que. En fait, c'est un principe de pick your poison. C'est genre lequel ouais. que tu penses qu'il va faire moins mal. Mais j'aurais aimé plus un peu. Parce que on verra peut-être plus, mais que t'es terminé. Là. Ouais, tout à fait. Mais genre, j'aurais pu plus de. Comme t'as juste le choix entre deux mauvaises décisions. Puis c'est, ouais. là, c'est là que c'est le fun dans ces. Ouais, c'est sadique. Ouais, un peu. Ouais, sinon, à part de ça, j'ai joué un peu à Lego Star Wars The Force Awakens. Ce qui est un peu weird à dire, mais non, pour un gars de 28 ans. Mais. Ça pour dire. Mais c'est. Non, c'est. Ta c'est... gueule, t'as même pas 30, fait que, tu sais. C'est bien. Mais c'est. Non, c'est vraiment super le fun. Honnêtement, c'est le genre de jeu parfait pour du couch co-op, là. Fait que, tu sais, tu veux jouer avec ta blonde, avec un de tes amis, genre. Ou avec ta vieille jument. Avec la vieille jument. Quoi qu'elle tient mal la manette, là, ta mère. Elle a tendance à les écraser un peu entre ses sabots, je trouve. Non, même c'est si sont ça. Rendus molasses, là. Ouais. Mais c'est. Non, c'est super le fun, tu sais, c'est accessible. N'importe qui a joué à un jeu Lego sait à quoi qu'il s'embarque là-dedans. Ouais. C'est hyper simplifié. Mais. J'étais surpris parce que le dernier jeu de Lego que j'avais joué, c'était Lego Harry Potter sur PS3. Ça faisait quand même une couple d'années. Fait que t'as manqué tous les vrais bons jeux de Lego depuis. Pretty much. Fait que. Harry Potter mettait une base, mais pas trop bonne. Non, mais sérieusement, ça l'a vraiment. Ça s'est amélioré. Là. À Star, t'as du voice acting, ce que t'avais pas du tout dans les jeux de Lego avant parce que c'était juste. C'était des cinématiques muettes. Là. C'était mimé plus qu'autre chose finalement. Fait que t'as du voice acting, puis à ce temps, quand tu construis quelque chose avec les briquettes, t'as plusieurs choix. C'est pas juste je vais là, puis je construis, puis ça se fait tout seul automatique, puis c'est une affaire que je construis. C'est vraiment ok, ben là, j'ai mon stack de briques, mais là, j'ai comme trois options que je peux construire. Là, faut que je décide laquelle que je vais prendre. Tu sais, y en a que ça va peut-être te débloquer un bonus si tu construis celle-là. Tu peux toujours la péter pour qu'elle redevienne un tas de briques, puis faire l'autre après. Fait que tu sais, c'est t'as un petit peu plus de gameplay qui se fait là-dessus. Là. Mm-hmm. Tu peux-tu faire un peu comme, mettons, un GTA-like, puis comme, au lieu de faire tes missions, puis de faire des. Tu sais, tu fais des tours de BMX, puis tu s'arrêtes. Est-ce que tu peux juste gosser avec tes briques Lego dans ces jeux-là? Non. Ça, c'est le bout qui est plate, c'est que ça reste quand même un jeu de plateforme très linéaire. Ça manque de justement de jouer avec des Lego, tu sais. Pas faire tes missions. Ouais, c'est ça. Il y a un site web qui existe où tu peux juste concevoir tes maisons de Lego comme tu veux. Ouais, là. Mais ils ont fait un jeu à... Ils ont fait un jeu à la Minecraft de Lego. C'est Lego Worlds, je pense, qui se trouve sur Steam, là, sur PC. Qui est plus gros que Lego Land. Oui, aussi. Est-ce que tu parles-tu du resort, toi, là? En général. J'ai découvert ça aujourd'hui, qu'il y a un resort de vacances de Lego. Ouais. Mm-hmm. Comme... Mais... Chris, pourquoi t'es jamais allé? Qu'est-ce qu'on fait pas là? On est ici pour ramasser de l'argent en disant des niaiseries. Ah, okay. Pour pouvoir se permettre d'y aller. On est sur quel jugement handicapé là, qu'on écœure là? On dira pas son nom. En tout cas, pas pour là. Ça l'a déjà été. Non. Oh, Chris, m'en va. Eh boy, ça avait déjà été quelque chose, même avant qu'elle soit pas. Ça serait tout qu'un miracle. Parce que pour ne plus être, faudrait qu'elle ait déjà été. C'est ça. Fait que elle, je pense qu'elle est juste pas. En étant pas. C'est parce qu'elle est pas. Non, elle est pas au lieu d'être pu. C'est ça, elle est pas. Elle est pas ce qu'elle a. Elle est juste pas. Ah, c'est ça. Ah non, elle est juste pas. Pas. Ouais, pas. Elle l'a jamais été, fait qu'elle peut pas ne plus l'être. Fait que Lego, c'est fun, ça. Mais oui, non, c'est super le fun, tu sais. Force Awakens, vous avez vu mais le film. Mais ça refait-tu l'histoire du film? Ouais. C'est-tu. Puis même que ça commence avec la fin de l'épisode 6. Ok. Fait que tu refais toute la bataille avec les Ewoks pis tout ça, là. Tu refais tout ça. Ewok Lego. Ouais. Ouais, ouais, oh ouais. Fait que t'as. Ah, c'est quoi déjà le nom du jeu? Ils doivent être beaucoup plus Wicket, c'est ça. Fait que tu joues avec Wicket, Han Solo pis Leia pis genre tu te promènes pis tu fais cette petite mission-là. Pis après ça, là, ça embarque vraiment dans Force Awakens. 30 avec, ans plus tard. Ouais. Mais non, c'est vraiment super sympathique, tu sais. Je paierais jamais 80$ pour ce jeu-là. Mais c'est le genre de jeu que tu trouves genre en rabais à un moment donné à 20$, ça vaut vraiment la peine parce que tu sais que c'est un bon jeu de co-op, que tu te casses pas la tête, t'as juste du fun. Pis c'est. Tu sais, tu débloques vraiment ton cerveau. Là. Genre, c'est juste un jeu de platforming, tu vas avoir du fun, pis ça finit là. Un des Lego que j'avais essayé, c'était de Lego Movie, The Game. Ouais. Ben. Mais paraît que c'était le moins bon de la gang. Celui qui ressort tout le temps, c'est Lego City Undercover. Ouais, sur Wii U. Ça a l'air que c'est un excellent jeu. Mais ça a l'air que c'est vraiment comme un GTA, mais en Lego. Okay. C'est à ce point-là. Okay. C'est vraiment open world, puis tu fais ce que tu veux. Fait que ça doit être vraiment cool. J'ai pas essayé encore, mais tout le monde dit que c'est vraiment, vraiment bon. J'ai souvent entendu parler de ce jeu-là comme étant un bon jeu. Okay. Ouais. Oh, ouais. Avec une histoire qui est pas une licence quelconque. Là, tu joues un policier, si je... Ouais. Qui est pas relié à aucun film ou aucun... Okay. Non, c'est ça, c'est vraiment une histoire. Mais sûrement avec plein de références à la culture pop, sûrement. Peut-être. Ouais. Aucune idée. Mais ouais. Le côté décevant de Lego Movie The Game, c'était... Il me semble que c'était comme... C'est sûr que le film est atrocement beau, là. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que chaque brique est visible puis tu peux la décerner dans le modèle. Ouais, mais ils ont tout bien animé leur truc. Ils ont fait ça au school. Ils n'ont pas comme juste fait « on va faire des bonhommes qui marchent de façon réaliste ». Non, on va faire de l'animation. On va c'est faire ça, des mouvements saccadés qui veulent dire de quoi, c'est qui ça. Caractérisent un personnage, bref. Mais dans le jeu lui-même, je le trouvais un peu fade. Tu te promènes dans la ville qu'on voit au début du Lego Movie, puis je la trouvais légèrement fade, puis j'étais pas super impressionné, puis je sais pas, il me semble qu'il manquait une certaine torque. J'aurais aimé ça être capable de bouger avec un petit peu plus d'aisance. Ouais. C'est ça qui m'a retenu de vouloir progresser. Je me sens... C'est comme si j'avais un boulet après ma patte. Mais tu un boulet en plastique Lego. Mais quand même. On serait-tu rendu à la pièce de résistance? Moi, je regarde nos fonds de verre. Non, mais c'est parce qu'on regarde le temps, où est-ce qu'on est rendu, je sais pas combien de temps, puis... Ben écoute, continue de parler, on va boire ça, puis... C'est bien bon. Ben c'est tout à ce à quoi vous avez joué. Vous avez des petits écarts de conduite, des petits quickies? Ben pas vraiment, tu sais, je joue à des jeux, tu sais, genre Enter the Gungeon encore, tu sais, Binding of Isaac, je continue à jouer, puis... tu sais, c'est des jeux où tu peux faire facilement une petite game une fois de temps en temps, mais... Moi, j'aime bien ça ressortir 20-48 des fois, là, mais je me sens wild. Si, bon. En plus, que tu sais que c'est un jeu qui est copié d'un vrai jeu, tu sais, c'est un clone, fait que t'encourages du monde qui clone des jeux. Les couleurs sont belles. Mais j'ai peut-être une confession à faire. Confesse. Tant qu'à rire de moi. Il y a les Steam Summer Sale. Merci. Palaï. Ça n'a jamais voulu se faire. J'aurais aimé ça t'entendre dire à la fin de la prochaine bouteille, mais tu me le diras à la fin de l'épisode. Je vais raconter l'histoire à la fin de la dernière bouteille. Parfait. En fait, t'aimes-tu mieux le garder pour la fin? Ouais, ben, on va faire ça, c'est bon. Excellent. Fait que, ben, coudonc, on va y aller. On va caler, puis on sera pacté, c'est tout. Fait que, on a dit qu'on était légèrement thématique avec les bières ce soir. On est allé avec des bières nordiques, donc la Kissmeyer, avec un loup. Hey, on reste dans le fond du loup. Ben, cale-toi ça. Cale ça avec la banane, toi et chose. Nous autres, on s'appelle la barrique numérique. On est allé avec une bière. Attention. Vous allez devoir deviner quelle bière c'était avec ce pop. C'était pas un spooch, mais bien un pop. Alors, on est allé avec la Saint-Ambroise, édition spéciale, Porter Impérial, oui. Mariné dans un barrique quelque chose. En fait, c'est de la collection barrique. C'est une série qui est faite juste pour nous autres. Juste pour nous autres. Commissionnés, toi, chose. D'ailleurs, merci Saint-Ambroise. Oui. Vous êtes bien blood. Ouais. On va brasser une bière juste pour nous autres. On parle d'une Porter Impérial vieillie en fût. Ils disent pas qu'elle fût, mais c'est vieillie en fût. Elle fut. Mais non, il me semble que c'est des barriques de Bourbon. Ça a été vieilli pendant plusieurs mois. Avec une texture, un goût d'une complexité sans égale. Toutes sortes de malt là-dedans. Ça va je te dis, ça va couler en sirop, cette affaire-là. J'ai bien hâte. C'est du houblon Nugget, Golding et Willamette. Toutes des places que je n'ai pas visitées. Paraît que le coucher de soleil à Willamette est particulièrement en tête. Ouais. Entre les deux dunes. On n'a pas confondre avec le film Dune avec Sting, c'est pas la même chose. Non, mais Sting, il était de bouette là-dedans. Ouais, mais il était quand même en shape là-dedans. T'es quand même en shape, mais c'est ça que ça fait de la cocaïne, hein? Ah, ça fait perdre tout ton gras. Ça fait perdre tout ton gras. C'est quand même drôle que c'était le seul Harkonnen beau bonhomme aussi, tu sais. Le seul Harkonnen? Ouais, c'est la famille de dégueulasses, là. Ouais. Les méchants, là. Ah, je me souviens plus des noms. Je l'ai écouté vraiment récemment. Ben, tu vois, moi, j'ai commencé à lire le livre, j'ai toujours pas fini. Parce que c'est tough à lire, pareil. Parce que c'est très science-fiction, des noms compliqués. Lire, c'est tough quand tu connais pas. Quand t'es analphabète, c'est ça. Ben, c'est ça, je sais, là, moi, lire des étiquettes de bière, c'est à peu près le plus que je peux faire. Mais non, sérieusement, c'est, tu sais, l'histoire est bonne, c'est juste qu'il faut que tu sois dans le mood pour ça. Mais c'est ça, le livre manque de Sting, par exemple. C'est juste ça. J'aurais aimé qu'ils disent comme « Hey, Sting! » Don't stand so close, don't... Allez, go. Tu sais, ils disent pas genre « Breaks into song », puis là, tu sais, c'est comme Roxanne pendant 4 pages, là, genre, ça aurait été malade. Moi, je pense qu'on aurait tenu de quoi là-dessus, là. Ça aurait été bien de réécrire Dune, puis intégrer Sting comme personnage Sting. Ben, je pense que oui. Ça peut se faire. Au lieu d'être quelqu'un d'autre, ça aurait dû être Sting. Ouais. Genre, voici Sting, tu sais. Il fait un show, genre, sur une planète quelconque, puis... Mais ça m'amène à des idées folles que j'ai déjà eues jadis, là. Mais il me semble que ça serait le fun, un fighting game. Bon, tu sais, là, il y a eu Street Fighter The Movie The Game. Ouais. Où est-ce qu'on avait clairement... En fait, c'est Street Fighter The Game The Movie The Game. Genre... Ça allait pas bien. Mais tu sais, il y avait Jean-Claude Van Damme qui a clairement fait le photoshoot pour ça. Kylie Minogue aussi, je pense, pour Tammy. Mais ça serait le fun d'un jeu de fighting où est-ce que c'est des personnages, des badass de films d'action. Fait que tu sais, t'aurais Terminator qui se battrait contre le personnage que Chuck Norris incarne dans Delta Force. Fait que dans le fond, tu veux genre Bro Force, mais en version 1 contre 1, tu sais. Man, t'as tout compris. Exactement. Mais tu t'apportes un point intéressant. Il me semble qu'on serait dû pour un Mortal Kombat qui filmerait les gars avec la technologie de maintenant. Je sais pas, hein? Je sais pas à quel point ça serait... sûrement de la marde, mais... Ben, l'affaire, c'est que dans le temps... Je serais curieux. Dans le temps, c'était comme juste... À la limite, du réalisme, mais t'sais, believable, genre que c'est encore un jeu. À cette heure, ça ferait juste comme être c'est lettre en tabarnak, genre. Je sais pas. Dans le fond, faudrait qu'on se fasse sortir un jour aujourd'hui qu'on pourrait dire c'est lettre en tabarnak. Ouais. Mais c'est peut-être le fun. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais moi, j'aimerais ça revenir dans ça. On va chiner sur cette bière. Ben, Barry. Chine, hey. Si. Yes. Yes, sir. Vous sortez vos gros. Gros canons, hein. Les gros canons fancy. Pour la fin de l'épisode. Et si, bon, ça sent le caramel. Ça sent Noël, ça. Et ça sent Noël. Si, bon. Ça sent le gâteau aux fruits. Hey, je suis sûr qu'avec ça aurait été malade. Je pense qu'on a un candidat. Je pense qu'il y en a. Il en reste tellement plein à mon épicerie du coin. On m'en racheter une pour Noël. Pour Noël. Pour Noël. Ah ouais. Il y a quelque chose de... tellement satisfaisant dans cette bière. Elle est pas froide, malheureusement, non. Encore. Non, mais en même temps, une porter, ça se boit pas froid. Ben, déjà, les porters, c'est pas bon, puis celle-là est bonne, c'est sûr. En partant. C'est déjà une excellente qualité. Si tu compares à la porter de Labatt, peut-être. Tu sais, celle avec l'étiquette brune. Une bonne Labatt porter. Une bonne. Tu sais, quand t'es jeune, tu te dis, c'est quoi ça, la Labatt porter? Mais il me semble qu'à la fin de mon chiffre, à l'épicerie, je pourrais en acheter une pour voir c'est quoi. T'as choisi une tornade, une wildcat puis une porter. Non, une tornade, une bungee. Hey. La tornade iced tea. Mais j'ai vu... après ça, t'as ça la porter. Corps, ça fait. En revenant du travail, tantôt, j'ai vu quelqu'un se promener fièrement avec sa caisse de Old Milwaukee Dry. Ah, bien même. Non, je pense que... Mais moi, pour l'étiquette de la Old Milwaukee, c'est quand même vestige du passé. La Guedaille, là, la Guedaille qui fait le S sur un bio de bois ou la pin-up Guedaille, c'est ça? Mais ouais, la pin-up. Mais la pin-up est arrivée récemment, mais ça, je me rappelle des canettes d'Old Milwaukee. On parle d'il y a peut-être une dizaine, douzaine d'années, il n'avait pas de Guedaille dessus, non? Je me trompe avec la Milwaukee Best. Ah, ben là, ouais. Mais je pense que la Old Milwaukee a toujours eu une pin-up ou. En tout cas, ça faisait peut-être partie de la brand à un certain temps, puis à un moment donné, ils l'ont enlevé. Ok, débat, mesdames et messieurs, on est à la 52e minute de cet épisode. Là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment adresser comme sujet, là. Oui. Bon, c'est la Coupe Rogers en ce moment, à Montréal, au stade Uniprix. Oui. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Non, check it bien. Je vais la poster sur les internets, cette photo-là. Je pense qu'il va falloir que je retourne à la station de métro Mont-Royal, juste pour être sûr de la repogner mieux framée. Ok, je sais pas si Archibald est commanditaire de la Coupe Rogers, mais je trouve que les posters de promotion pour la Coupe Rogers à Montréal, donc avec les joueuses de tennis de la WTA, font très étiquette d'Archibald. Je m'explique. Non, tu trouves pas? Non, il y en a, j'en ai croisé à tous les matins dans le rendement. On n'a pas ça dans nos igloos, nous autres. Non, la Coupe Rogers, ça pogne pas bien dans le nord. C'est parce que toi, t'es punaise que tu pines dans la glace, là, ça tient pas, ça. Ouais, ça roule. Les griffes d'ours polaire qu'on pine dans la glace. Oh, j'avoue. Toi, là, c'est... Toi, n'y es pas avec ça. Toi, là, le board en liège, là, t'as pas ça. Toi, là, c'était à la sueur de ton front, t'as tué un grizzly, là, puis tu pines ça direct sur ton mur. Ah, vous trouvez pas, vous autres? Moi, je trouvais que ça y ressemblait pas mal. Moi, parce non, que la photo que j'ai prise dans le métro Mont-Royal, c'est carrément, t'as la matante en bleu à droite, puis à gauche, t'as, je vais le dire de même, là, l'ingénue. C'est okay. La face d'Eugénie avec un fond rouge. Pareil comme si c'était... Je vous jure, c'est pareil. Moi, en tout cas, moi, je trouve... Moi, je pense que les designers de la pub de Coupe Rogers sont des fans d'Archibald puis ont voulu faire un hommage. Okay. Peut-être pas. C'est peut-être juste un maudit bel addon, mais en tout cas, je trouvais, dans la photo que j'ai prise, que la juxtaposition de ces deux photos différentes-là, une à côté de l'autre, était quand même, somme toute, As-tu la photo sur ton téléphone? Je l'ai sur mon téléphone. Sors-la tout de suite. C'est bon, je la sors. T'as pas le choix, parce qu'il faut qu'on puisse constater. Moi, je pense que non, selon mes souvenirs, mais peut-être... On va mettre le lien en bas dans l'écran pour vous pousser à aller sur le... Oui, c'est ça. On va la poster tout de suite, fait que quand vous entendrez ces mots-là, elle va déjà avoir été postée. Like, comment, and subscribe. On pourrait mettre un hashtag, mais vu le succès des hashtags dans le passé, on va peut-être les avoir. Ça fait pitié, il y a quelqu'un devant l'image. C'est pas très bien zoomé, le train s'en venait, j'avais comme pas le temps, là. T'étais sur la track direct. Ouais, ok. Je cherchais des Pokémon. Ah. Mais bon. Ok, je comprends. C'est pas les mêmes pubs que j'avais vues, fait que peut-être. Là. Non, c'est ça. Là. Il y a quand même. Puis je les ai cherchés sur le YouTube. Okay, là, peut-être. Là. Il y a une certaine ressemblance. Il faut se rendre à l'évidence. C'est le contraste d'un background de couleur flash avec une face qui est plus blanche qu'autre chose, tu sais. Et voilà. Mais bon, regarde. Mais là, plus de ressemblance entre la madame d'un jambe puis la pub que Eugénie puis la pub. Mais ça c'est non, mais je trouvais ça drôle, tu sais, je veux dire, si jamais Archibald veut sortir une bière qui s'appelle l'ingénu puis qui essaie-tu de faire une cote sur la prochaine batch de... C'est de même que tu fais de l'argent, man. Tu sors des idées, la personne t'avole, tu dis tout, c'était mon idée, puis là finalement tu reçois un beau chèque. Car il dit que c'est de même que ça marche. De toute façon, à cette heure, c'est pas un Anheuser Busch qui Archibald ou... Labatt. Si Labatt l'a acheté, moi. Labatt l'a acheté, mais oui. Si Labatt est acheté par quelqu'un d'autre, c'est l'autre qui l'a. Non, mais je savais que c'était une des grosses brasseries, mais je me rappelle plus c'était laquelle. Mais ouais, c'est Labatt. Archibald qui, tranche de vie. Tranche de vie. Font des belles caisses de 8 canettes bien têtes. Ouais. Que tu peux mettre dans un bagage facilement et amener ça à Coudjouac. C'est ça. L'Archibald est pas mal trending à Coudjouac à cause de ça. Nice. Quand même. Nice. Archibald, en plus de toutes les bières, mettons génériques, entre guillemets, pas génériques, excusez, mais les bières de type standard, qu'on va dire. Est-ce que tu as essayé le spécial de Noël? Il y avait la brune au miel. Non. Il y avait la telle autre chose, je me souviens plus, là. La porter à fesses un peu. Mais ils sont bonnes. D'ailleurs, il en reste un. Excellent. Si vous voulez vous renflouer, ce que je risque de ne pas faire. Est-ce que tu conduis? On va voir. Je vais demander à mon chien de traîneau de l'aider. Ouais, c'est bon, ça a l'air que le traîneau, il glisse pas bien ici, à Star. Non, il y a un peu de résistance qu'il appelle. Ouais, c'est la garnotte des sites de travaux de construction qui disent. Ça, hey, ça. La construction. Hey. On peut-tu en parler de la petite construction? Mais qu'on va en parler. On n'a pas de temps. Jean-Luc Mongrain n'est pas ici, on peut pas en parler, je m'excuse. On l'invite d'ailleurs pour venir parler de la construction. Oui, Jean-Luc, si jamais tu veux faire autre chose, que c'est quoi, c'est déjà dimanche, ça s'appelle, là, son émission à Radio Cannes. C'est une autre émission de personnes assises qui parlent. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux faire autre chose, nous autres, on est du monde assis qui parle, mais pas à télé. Non, c'est ça. Jean-Luc, c'est un gros joueur de Spider Freecell aussi. Oh! Gros joueur. Ça doit être la seule personne que j'ai entendu dire qui joue à Spider Freecell. Ma mère joue à ça. Deuxième personne. Deuxième. Parce que honnêtement. Oh! Dans le temps que j'avais un Windows à la maison. C'était l'XP pour ça. Je sais pas, là, à part solitaire, là, solitaire, Minesweeper, là, c'est deux, là, tu sais, c'est comme, c'est eux autres, c'est valeurs, mais FreeCell, tout court, c'est un bon jeu, moi, je trouve. Mais Spiral FreeCell, j'ai jamais compris la nuance. Hein. Ouais. C'est que t'as quatre coins, faut que t'envoies d'un bord pis de l'autre, tu sais. Moi, j'aimais bien Space Cadet Pinball aussi. C'est celle-là, pire, là, tu te trompes pas. T'as un jeu de pinball dans Windows, est-ce que tu veux de plus? Man, pinball. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, une machine à pinball qui a de l'allure, là. Mais à Star, ça vient avec un jeu de Jigsaw. Ou peut-être au-dessus de l'autre, je sais pas, mais il me semble que sur Windows 10, t'avais un jeu de Jigsaw, puis tu peux avoir des jeux de Mahjong et ces affaires-là. Mahjong. Ouais. Ouais, mais c'est même pas les vraies règles du Mahjong, anyway. Moi, je me rappelle du temps de t'avais Buddy Holly, le vidéoclip direct dans Windows. Man, c'est ça qui m'a fait connaître Weezer, peux-tu croire? C'est pas la plus belle histoire? J'ai connu Weezer à cause du clip de Buddy Holly qui avait sur CD de Windows 95. C'est gagnant. Moi, je vous ai entendu à la barrique numérique. Yeah! D'ailleurs, on remercie Bill Gates d'avoir pensé à mettre un vidéo. William, de son petit nom. William. On t'invite. Ouais. Ça t'en donnait prendre une écoute. Nous, on envoie des invitations à tout le monde, mais personne ne répond. Piqué, souvent, t'es supposé. Là, je pense qu'il va moins venir. Piqué. Ouais, là, il est occupé à Nashville, ça a l'air. Ouais, ouais. Jean-François Provençal aussi, qu'on attend toujours des nouvelles de. Ben, écoute, tu devrais le tweeter, moi, je pense. T'as pas déjà essayé multiples reprises? Quelques reprises. Ah. Multiples, c'est peut-être plus que quelques. On va y aller avec quelques. À un moment donné, il va se faire comme ces hosties-là. On va y aller, on leur fait mal à gueule. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous attendez comme jeu? Y a-t-il quelque chose, tu sais, que ça tente d'avoir? Puis de... Ben là, il y a No Man's Sky. Ouais, expliquez-moi. Non, attends. Je vais te dire pourquoi. Moi, t'as l'expliquer, moi. Non, je vais te dire pourquoi je l'attends. Je l'attends avec une brique puis un fanal pour voir s'il va pas me décevoir. Parce qu'ils ont tellement rien montré qui me convainc, autre que la prémisse que genre ça peut être un monde ouvert avec plein d'affaires qui se passent. S'ils sont capables de le livrer, fine, tant mieux, j'embarque. Mais j'ai de la misère à croire qu'ils vont le livrer. Fait que c'est pour ça que je l'attends, c'est que je suis pas convaincu encore que ça va être un bon jeu. Je ne vois pas comment ce jeu-là peut être bon. Je veux dire, No Man's Sky, c'est le prochain sport. Je vois la même chose, mais toi, t'es supposé me convaincre à l'instant. C'est Gilles. C'est pas une question de je vais te convaincre, c'est une question de voici pourquoi moi je l'attends, pas nécessairement avec une brique et un fanal. Beaucoup de gens attendent ce jeu-là avec impatience. Oui, puis je te résumerai ça par trois mots. Spaceship. Ah, c'est les rides de spaceship que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est comme vivre mon rêve de jeune garçon qui tripe sur l'espace, puis qu'un jour tout va être beau, puis que ça va être comme Star Trek. Poche en mathématiques, fait qu'il n'y avait pas d'avenir. T'as tout compris. Fait que je veux être capable de faire honneur à ma mère, puis d'avoir une vraie bonne job. Fait que tu vas t'acheter No Man's Sky, le day one, puis là tu vas dire maman viens super à la maison. Non, c'est pas vrai. Là tu vas partir de la TV, il n'y aura rien à faire. Il n'est pas précommandé, il est dans mon cart sur Amazon. J'attends. Merci Gaétan de m'avoir dit d'attendre les reviews. Non, c'est vrai, parce que je suis sceptique, comme Gaétan, au niveau de la livraison de ce jeu-là. J'ai peur que je me suis fait vendre un Destiny. Destiny, ça va être gros de même, t'as ton vaisseau, puis tu peux aller de planète en planète, puis finalement, c'est juste du loading screen entre les planètes. Ça n'a pas l'air d'être ça avec No Man's Sky. Non. T'as l'air de pouvoir faire ce que tu veux. Bref. Mais qu'est-ce que tu fais au bout de la ligne? C'est que t'as l'air d'avoir rien à faire. C'est ça que j'ai hâte. Je veux être comme dans Minecraft, avoir rien à faire, puis juste être paisible, sauf dans l'espace avec un vaisseau, puis des piou-piou. Puis je pense que c'est ça qui va me réconcilier avec... Mais... ma vie. Je pense que c'est ça le... Tu vois-tu bien, je... Faut chanter ça. Mais je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est que Minecraft, oui, c'est hyper passif puis il se passe pas grand-chose, mais le système de crafting te force à progresser malgré toi. Ça semble être la même affaire dans No Man's Sky. C'est qu'on a tellement pas assez vu de gameplay de No Man's Sky autre que j'arrive sur une planète, je me promène puis je vois genre la faune, c'est comme OK, c'est beau là, mais après ça je vois une autre planète puis je vois l'autre faune. C'est ça, fait. Ouais, mais là attention là, de ce qu'on a vu avec les dernières vidéos qui sont sorties, c'est t'arrives sur une planète puis là il fait fucking fret. Est-ce que ta soute est capable de te protéger du fret? OK. Si t'as pas les ressources pour avoir l'upgrade de ta soute, ben faut que t'ailles sur une planète qui est ça. Oh, mais c'est ça. Fait que comme je te dis, s'il y a un système de crafting qui te force à progresser, qui te force à explorer, là, ça peut amener une raison de jouer qui peut être intéressante. Il va y avoir une partie d'exploration qui va te dire essaye de trouver le plus de life forms possible, le plus de minéraux possible. Fait que à chaque fois que tu trouves quelque chose de nouveau, ça a l'air, puis on est vraiment juste au conditionnel, là. Ça aurait l'air... On sait rien sur ce jeu-là. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, puis une des raisons qui me fait vraiment m'intéresser à ce jeu-là, c'est cet algorithme de fou-là qui, apparemment, là, le professeur en physique ou en informatique d'une université du Danemark, je crois... Là où on a la Kiss Meyer. Ouais, exactement. Ouais. Lien avec... tout est dans tout. On fait des liens qu'on n'avait pas tout au préalable. Tout est dans tout. Bref, c'est ce professeur-là qui a mis au point cet algorithme-là que les concepteurs du jeu ont dit qu'ils ont utilisé en totalité ou en partie. Bref, le gars, il a dit, ils n'ont jamais demandé ma permission pour ça. Fait ils vont faire de l'argent. Ils sont encore dans des certaines démêlées. Puis, regarde, un peu comme Uncharted 4 qui t'a repoussé, je pense, deux fois. Ouais. No Man's Sky a été repoussé lui de même. Mais regarde, un jeu comme No Man's Sky avec qu'est-ce qu'il promet qu'il est repoussé, je pense que c'est correct. Non, c'est correct. Puis en même temps, ils sont une petite équipe. Là. Ils ont pas, ils ont eu plus de budget à cause que ils sont affiliés avec Sony, toute la patente. Mais en dehors de ça, ça reste quand même un très petit studio de développement. Ils n'ont pas les ressources des EA de ce monde et des grosses compagnies. Fait que, mais ils ont leurs ambitions. Oui, ils ont leurs ambitions. Ouais. Fait que, tu sais, à cette heure, c'est de voir est-ce qu'ils sont capables de livrer. C'est juste ça. Moi, c'est la question que j'ai puis c'est la raison pour laquelle j'attends le jeu. C'est je veux voir si cette compagnie-là est capable de livrer ce qu'ils ont promis. S'ils peuvent, tant mieux. Tu sais, je vais juste être content parce qu'on a fait un super bon jeu. Pis s'ils peuvent pas, mais ça va juste démontrer que des fois le hype est trop gros pour genre ce que le produit final est, tu sais. C'est comme Destiny, tu te fais vendre une idée. Le jeu est bon en soi, mais le jeu lui-même ne correspond pas à l'idée qu'on s'est faite, je pense, collectivement en même temps, en regardant les annonces, puis les previews, puis tout ça. Là. C'est toujours un combat entre le produit puis la façon qu'il est marketé, tu sais. Ouais. C'est, si le marketing dit, écoute, faut, genre nous autres, on va vendre tel aspect du jeu, puis ça va être ça. Puis que le produit final, finalement, ça n'a pas rapport. Ben, les autres, ils s'en foutent parce que le but, c'est de vendre du jeu. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, moi, j'attends. Comme j'ai pas l'impression que c'est ça pour No Man's Sky. Je pense pas que c'est juste une question de marketing. Je pense qu'ils croient vraiment qu'ils vont livrer ce qu'ils disent qu'ils vont livrer. Ouais. Moi, je suis juste pas convaincu que ça va être le fun. Non, puis comme je te dis, je partage exactement les mêmes inquiétudes que toi. Puis c'est pour ça que je l'attends. Comme c'est con, mais c'est pour ça que j'ai hâte qu'ils sortent pour pouvoir voir si c'est vraiment c'est ça. Si c'est ça, ça va être merveilleux. Je vais être très heureux pour eux et tous les gens qui voulaient que ça soit excellent. Non, c'est ça. Moi, je veux que ça soit excellent, mais je m'attends aussi à ce que ça le soit pas. Hey, je te le souhaite. Que ça le soit pas. Ben, je peux me donner raison à la fois. Fait que non, c'est ça. Sinon, écoute, en dehors de ça, il n'y a pas une tonne de jeux que je peux dire que j'attends. Ben, moi, suivant le E3, je voudrais dire OMGOW. Oh my God of War. Pas tant. Mais en fait, j'aime l'idée que ça se passe avec les dieux Norse puis tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que oui, on se dissocie de la mythologie grecque. Ouais, on s'en va dans une autre mythologie. Puis je pense que d'un point de vue narratif, ça peut être intéressant d'explorer cet horizon-là. Mais moi, j'ai toujours trippé sur cet univers-là, genre de viking, un univers super nordique avec de la neige, tout ça. Puis je trouve ça super le fun. Fait que de le voir dans God of War, cool. Mais la vidéo, à date de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui m'a impressionné au point où j'étais comme, j'ai besoin de jouer à ce jeu-là, tu sais. J'avais juste le feeling que tu prenais God of War, puis tu faisais juste mettre un skin de viking dessus, ben, puis c'est ça, tu sais. C'est pas ça faire des jeux vidéo, c'est comme prendre Far Cry puis mettre un skin de Dom historique. Mais c'est cheap aussi. Ouais, mais c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est cheap s'il n'y a pas d'histoire, puis on sait pas grand autre chose de comment est-ce que Kratos s'est ramassé là. Ouais. Puis tu sais, regarde, écoute, il va avoir plein d'affaires à suivre. Peut-être, là, mais encore là, je pense que c'est pour ce jeu-là, pour moi personnellement, c'est trop tôt pour dire je suis hype. S'ils réussissent à me montrer genre une vidéo au E3 l'année prochaine, puis qu'il y a du gameplay qui est hallucinant, puis tout ça, fine, genre j'embarquerai dans le hype train. Là. Mais à date, non. Là. Je pense que leur gamble ce coup-ci, c'est qu'ils vont vraiment changer de style, autant au niveau de la mythologie qu'autant au niveau du gameplay, je pense que au niveau de l'approche. Ça a l'air beaucoup plus storyline based que ça l'était. Ben, ça a l'air d'être moins hack and slash que ça l'était. Il y a ça l'air d'avoir aventure. Il y a l'air d'avoir une couple d'éléments RPG là, genre parce que tu sais, je sais plus, à un moment donné, je pense que tu tires de quoi, puis ça te dit genre tu as comme un skill qui a augmenté ou de quoi de même. Fait peut-être, mais pour ce que j'ai vu, je suis pas assez convaincu. Moi, pour cet aspect-là, chapeau qui ose vraiment comme faire comme table rase puis de recommencer avec le même personnage, mais de recommencer un peu sans faire un reboot, mais c'est un peu... Mais si c'est ça qu'ils font, tant mieux. Comme honnêtement, encore là, c'est un cas où je me dis, je veux voir exactement ce qu'ils ont changé concrètement autre que ce qu'ils nous ont montré au E3. Je veux qu'ils montrent plus en détail les systèmes. Si ça a changé, puis c'est vraiment quelque chose de nouveau, good. Ouais, parce on a besoin on s'entend, de ça. Là, tout ce qu'ils ont fait, c'est d'introduire le jeu. Non, c'est ça. Ils nous l'ont présenté, puis ben, ils ont montré que ça va changer bout pour bout. Ouais. C'était, je pense, c'est ça qu'ils voulaient nous montrer. Un bon hack and slash, ça marche. Tu sais, je suis encore dans Darksiders 2. Est-ce que tu as un feeling hack and slash dans ce moins, que tu as vu? Moins, mais... Moins, oui, mais il y a quand même l'aspect, t'es devant une grosse bébite à tuer. Ouais. Ton fils est là, puis il manque sa shot. Fait que Mais est-ce vraiment ton fils? Ça? Est-ce que c'est comme Zeus, il vient de ta cuisse? Ça? Cue le thème de X-Files. Ouais, c'est de mixer. Mais ça, c'est pas pour cette année, ça. Ça doit être. Puis c'est pas 2018. 2028, je pense. C'est pas grave. Mais encore là, tu sais, je regarde les jeux qui ont montré au E3, puis. Tu sais, OK, oui, Last Guardian, j'ai hâte. Ah, tabarnouche! Boswell, le bout de viande. Merde, ça fait 10 ans, c'est-tu qui est supposé être sorti? Je le sais. Puis, pour être franc, l'année passée, j'avais un peu jeté la serviette. J'avais comme, OK... T'avais accroché tes patins. Je suis tanné de me faire niaiser. Le projet va n'importe où, ça se peut pas que le projet... Puis là, en mettant une date de sortie cette année, ben j'ai eu des feelings, puis j'ai des frissons. Je vais être comme... Non, je vais l'acheter parce que... Mais tu sais que ça a pris 12 ans pour la suite de Duke Nukem, hein? Fait C'est un peu pour ça que je suis un peu comme. Okay. Je me sens sale d'une certaine façon. Duke Forever, qui était un excellent jeu. Mais c'est parce que c'est. On devrait le jouer, ça, puis le reviewer pour le fun. Pour le pas de fun. Pour le pas de fun, puis boire de la pas bonne bière. Ouais. Je pense que prochaine fois, tu reviens dans le sud. On se twitch ça. Parce que nous autres, on est le sud relativement. On appelle ça le sud pour de vrai. Il y a le petit sud puis le gros sud. Ouais, le gros sud, c'est les Mexiques puis tout ça. Les Mexiques, parce qu'il y en a le plus qu'un. Ouais, il y en a le plus qu'un. Il y a 3-4 Mexiques. Ouais, il y a le Texas puis le Mexique. Le nouveau Mexique. Ça, pas. Il est swell en esti. Flambant. Il y a bien du beau monde là-bas, comme Walter Blanc, ça a l'air. Sauf que va pas dire ça à Donald Trump. Va pas dire que le Texas, ça rapporte au Mexique. Non, parce qu'il y avait deux murs à construire. Un mur puis un nouveau mur. Il va construire un mur entre le nouveau Mexique, puis le Mexique, puis le reste des États-Unis. C'est des beaux projets. C'est quoi l'État qui est entre le nouveau Mexique, puis le Mexique? Une partie de la Californie? Je pense que oui. Ouais. Bref, une partie de la Californie va être comme un bloc de cinéma. La Californie. Ouais, la Californie. Ah, c'est très bien fourni. Mais bref, oui. Donc, Last Guardian, j'ai eu un peu honte de moi-même. Quand j'ai vu une date de sortie, j'ai fait « Ah, je le veux, j'y crois. » Ça veut-tu dire que je veux y croire, fait, je crois que je vais être déçu. Le projet est trop parti en couille pour bien finir. Le Fumedo Ueda, il était trop tassé pour que ça finisse bien. Mais ce que ce gars-là a fait avant, c'est beau. C'est Ico... Shadow of the Colossus. J'avais juste Tricot dans la tête. Non, c'est le 3. En tout cas. Ben, Shadow of the Colossus, c'est tellement des jeux uniques qui ressemblent à rien, qui sont des chefs-d'œuvre. Tu peux pas ne pas vouloir savoir c'est quoi Last Guardian. Juste hâte de voir, parce que justement, on dit ça fait tellement longtemps que ça traîne que tu dis est-ce que la vision créative est la même qu'au départ? Est-ce que. Tu sais, je sais pas à quel point ça a changé depuis l'idée. Un documentaire originale, sur l'évolution du jeu va être intéressant. Mais honnêtement, en même temps que ça n'existera pas parce que ça implique des poursuites sûrement. Puis des... Non, c'est ça, mais. Ah, il a dû avoir de la bisbille. Ah, mais c'est pas un projet qui a bien été. Non. Mais idéalement, c'est vrai que ça serait hyper intéressant à voir qu'est-ce qui s'est passé exactement, puis comment le projet a évolué, puis qui s'est rendu où est-ce qu'il est présentement. Mm-hmm. Fait que je me dis. Ce qu'ils ont montré la première fois, le premier reveal de Last Guardian, puis ce qu'ils ont montré au dernier E3. Pas beaucoup de différence. Non, mais tu sais, pour nous autres, il n'y a pas beaucoup de différence, mais je me demande à l'interne, y a-tu vraiment des changements au niveau du gameplay, au niveau de la direction créative qui s'est faite? En dessous de ce qu'on voit, là. Ouais, ça, en dessous de ce que nous autres, on a vu, genre. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y avait, mettons, comme moitié slash trois quarts du projet qui était complété, puis qu'ils ont juste fait comme tasse-toi, on va closer ça. On va juste comme le finir. On pensera pas. Là. On met des monkeys là-dessus puis on va juste finir le jeu qu'il soit sortable. Puis, that's it, on ferme le cas. Là. Mais c'est plate parce que les deux jeux que j'attends le plus justement cette année sont deux jeux bretteux de projet qui sont Last Guardian puis qui sont Final Fantasy XV qui est finalement le ramassé de Final Fantasy XIII versus que j'ai toujours sur le cœur. Oh oui. Parce qu'on se souvient Back in the Days, il y a 10 ans, plus. Il y avait Final Fantasy XIII qui était splitté en deux. Ouais. Tu avais le Light Lightning Project qui était ce qu'on a eu comme 13, 13, 2, 13, 3, 13, 12, 3, 12, en tout cas. Beaucoup trop de 13. Ouais. Puis tu as supposé avoir le 13 versus qui était la partie noire. Ah. Là, ça, c'était... intriguant et intéressant. Puis ce projet-là a bretté, il n'est jamais sorti. Puis finalement, ils ont pris les éléments de Versus pour faire le canevas de base de Final Fantasy XIII. Donc le personnage principal du XIII, c'est ce qui était prévu pour Versus. Du 15. Hein? Du 15. Je suis tout mélangé. Moi, c'est sûr, là. Mais vous voyez à quel point c'est mélangeant, ces histoires-là. Oui. Fait que c'est les deux jeux. C'est les deux jeux que j'attends le plus. C'est deux projets foireux qui n'ont jamais sorti puis qui, finalement, 10 ans plus tard, sortent maintenant. T'aimes ça, la torture, toi? Ah, hein? Oh, je pense que oui, finalement. je viens de révéler ce mais sombre aspect de moi-même. C'est très bien. Mais moi, Je vais avoir une opinion controversée sur ça, sur Final Fantasy en général. Pour moi, là, si tu me donnes le choix entre les deux, là, je trouve que World of Final Fantasy a de l'air meilleur que Final Kings. C'est con, là. Mais au niveau... Parce que c'est différent, parce que c'est genre cute, parce que c'est... Il y a quelque chose qui fait que ça fait plus... Je sais pas comment l'expliquer, ça fait plus différent. Ça fait plus comme... Moi, je pense que World of Final Fantasy, c'est grosso modo du cash facile. C'est totalement, on va prendre des personnages qu'on connaît, on va juste à nostalgie, easy money, cute, bien fait, top notch, ça va. Final 15, ce projet-là, je l'ai depuis très longtemps. Mais c'est un gamble qu'ils font, là, ça a l'air tellement différent de ce qu'ils faisaient avant. Mais depuis deux aussi, ans, là, je me rends compte à quel point qu'ils ont des ambitions énormes pour ce jeu-là. Ce qu'ils veulent faire, c'est big. On trouve que Metal Gear Solid 5, c'était fou, malade, mental, ambitieux. Ça arrive même pas à cheville de ce qu'ils veulent faire avec Final 15. Mais... Fait que j'ai comme commencé à avoir du respect pour cet aspect-là du jeu. Je peux pas juste balayer ça de la main en me disant « Ah, c'est rendu de la merde à ça, Final, blablabla. » Faut au moins je vois qu'est-ce qu'ils ont à offrir puis voir ce qu'ils ont voulu faire. Moi, il y a deux affaires qui m'ont comme déconnecté de Final 15. Un, le démo qui ont sorti sur PS4 récemment, puis Xbox One, je pense. Le deuxième? Le Platinum démo. Là, ça a l'air très décevant. Puis c'est comme... C'est pas mauvais, mais c'est... Le système de combat était très, genre, basic. Tu sais, c'était Kingdom Hearts, mais quasiment simplifié. Là, genre, tu sais, c'est ce qui fait un peu bizarre. Là. Puis pourtant, j'ai adoré Kingdom Hearts dans le temps. Là. Kingdom Hearts, c'est pas comme c'était compliqué non plus. Non, non, non, je sais, mais il y a quelque chose qui faisait en sorte que, tu sais, plus souvent qu'autrement, tu mâches le même bouton, puis that's it, puis fait que c'est ça, puis je sais pas, je trouvais que il y avait comme pas grand chose dans le démo qui faisait en sorte que c'était vraiment intéressant. T'sais, ce qui te montrait surtout, c'était le côté technique. C'est comme on a des effets genre de météo qui sont intéressants, t'es comme ok, mais on s'en calisse, genre nous autres, ce qu'on veut c'est voir du gameplay. Fait que tu sais, c'est, il y a ça qui m'a un peu découragé. Puis le démo 3 où ce que le gars il se fait péter la gueule par un genre géant quelconque, genre un boss, puis il y a de la misère à le tuer, genre il y a vraiment. Le gars a fait un... Tu sais, c'est un mauvais démoïste en partant, là. Mais il a fait une job au moins, c'était pas scripté. Non, mais... Puis tant mieux. Non, mais tant mieux, tu sais, parce que justement, on sait que des fois, c'est super scripté, mais là, ça tu sais, oui, c'était vrai, sauf qu'en même temps, ça vend tellement pas le jeu, parce que... Malheureusement, tu veux montrer un gars qui... Tu passes... Le gars qui a travaillé sur le jeu, là, il devrait faire comme... Yo, I got this. Non, c'est ça. Pis lui, il l'avait pendant pas. Pendant 5 minutes, là, c'était les mêmes animations qu'il répétait parce que le gars, il arrêtait pas de se faire crisser un coup de genre d'en face, puis il tombait à terre, puis c'est healait, puis il recommençait, puis t'es comme. Ok, t'es-tu capable de me vendre autre chose que ça, t'sais? Fait que. Non. C'est des affaires de moi qui m'ont un peu décroché. Encore là, t'sais, comme je te parlais avec No Man's Sky, s'ils sont capables de livrer les promesses qu'ils ont données, good. Puis si le jeu il est bon, tant mieux, je vais être juste content qu'ils réussissent à le livrer. Mais c'est dur pour moi d'avoir du hype pour ce jeu-là présentement, tu sais. Bref, les jeux s'en viennent de plus en plus gros, de plus en plus imposants, avec une ambition de plus en plus démesurée. Ça veut pas dire qu'on est capable d'avoir du plaisir là-dedans. Des beaux petits jeux, là, cool, le fun, là. Quoique, on a du plaisir pareil présentement ici. Ben, des petits jeux cool, le fun. C'est pas un jeu, ici, c'est la vie. Quoi? C'est pas existence. Déploque donc l'affaire que t'as dans ton trou de dos. On n'est pas dans Matrice. Non, la pilule que je t'ai donnée était jaune. Ah, c'est donc ça. Ça explique tout. Fait que... Ouais. Pardon, vous êtes les bienvenus. On retient personne. C'est bien beau. C'est mais l'apparition du public... Je regarde le temps, là. Il va sûrement falloir faire un wrap-up. Fait que, bref, beaucoup de bonnes bières. Oui. C'est quoi votre deuxième opinion sur cette... Ah, est excellent. Merveilleuse. Ouais, c'est clairement, j'exige de boire ça à Noël. Puis ça, là, vieillit encore quelques mois. Là, ouais, ça serait ben, très écoute, bon. Elle a déjà commencé à vieillir. Puis moi, si je l'achète là, elle va peut-être vieillir jusqu'avec Monsieur Gâteau aux fruits. Mais sérieusement, je pense, honnêtement, un, si tu reviens pour le temps des fêtes. Deux, s'il en reste encore, on devrait s'en pogner une, la mettre de côté jusqu'au temps des fêtes, puis refaire le test. Veux-tu savoir comment est-ce qu'il en reste à mon épicerie? Genre deux. genre deux tablettes pleines. Ah, pour oh, vrai? Ben... OK, mais sérieux, si vous êtes game, moi, je pense qu'on va faire ça. Prends-en deux, puis envoie le reste sur un container, ship ça au nord. ça donnerait l'adresse du Père Noël, H-O-H-O-H-O. On cherche des investisseurs dans un projet de livraison de bière. En fait, je pense que tu peux taper ça sur le dos d'un fuck, puis il va se rendre, là, c'est... Et pas là, j'espère que ta bouteille est bien isolée. Fait que bref, merci beaucoup, monsieur Poilman. Merci à vous de l'invitation. Ben, moi, merci à toi d'être descendu. Attends. Moi, je pense que là, ça fait assez de fois que ça arrive. Je pense qu'on peut officiellement nommer Poilman comme étant le cousin cassette. Cousin cassette en horaire. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est le cousin cassette. Il fait partie de la famille. Cousin cassette avec un K. Vous n'entendez pas mes larmes qui coulent. Plou, plou, plou. c'est... Ça, verse pas la bière sur le micro qui est pas à moi. Fait que non, honnêtement, toujours des bons épisodes, toujours le fun avec toi. Fait que non, tu fais partie de la famille, t'es toujours le bienvenu quand tu reviens. C'est très bien dit ça. Tu peux maintenant coucher avec vos cousines. Oui. Ça veut dire que ce sont tes sœurs. Tu peux juste pas coucher. Le plus beau jour de ma vie. Tu peux juste pas coucher avec nous autres. Ça, c'est une autre affaire, par exemple. On n'aime pas ça. Non. On a déjà essayé, ça a mal vieilli. Je vais passer par les talons d'abord pour faire mes. Ouais. La jument, elle se défend plus à Star. Fait que tu peux faire ce que tu veux. Elle est willing malgré elle. As-tu toutes ses dents, elle? Donne-y pas de pommes. J'en vais chiquer longtemps. Et puis là, fait qu'on vient d'augmenter la famille cassette, ici? Officiellement, c'est fait. On a un cousin cassette. Yes. C'est trop d'honneur, je suis ému. Fait qu'il y a tout on ça va s'ennuyer de toi jusqu'à notre prochaine revoyure. Et moi donc, puis là, réglez donc votre problème de maudit fil de laine RSS, qu'on puisse vous réécouter les bons moments. Là. Moi, là-bas, là, je m'ennuie, puis là, je dis « Ah, j'aimerais ça écouter mes beaux petits amis. » Ben non, mes frères, mes cassettes, puis là, je peux pas parce que là, il n'y a pas capable. Oh, ben, tu sais, comme la ville de Montréal que tu as dit tantôt qui est en construction, ouais, c'est un peu ça. C'est, on a les mêmes genres de contracteurs, c'est lent, on va avoir de la soumission, le moins cher. De la corruption, puis ça a l'air qu'un coup de t'as un bébé, t'as plus de temps. En ce que tu dis, je vois pas de quoi tu parles. c'est ça, je pense que c'était l'épisode. On s'excuse à ceux qui ont été offensés, hein? On va vous poursuivre pour avoir de l'argent plus tard. C'est ça, puis merci d'être offensé. Pour ramasser de l'argent. Pourquoi pas, esti. Ce soir, non seulement on va peser sur pause et faire sauvegarde pour le prochain épisode, on vient de level up, parce que M. Poilman fait partie de la famille maintenant. Oh. Certain. Et puis... que dire de plus que merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben merci de l'invitation, je le dirai jamais assez parce c'est que c'est toi qui s'est invité. C'est vrai. Avec la fourche à la tempe et tout. Ben non. Nous autres, on menace toujours le bienvenu. À chaque fois que t'es là, faut que tu sois là. Toi, ça va? Oui, je suppose que tu t'en allais avec ça. Oui, ça va très bien. Absolument nulle part avec ça. Fait que bref, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis n'oubliez pas de sauvegarder votre partie et on se revoit à la prochaine partie. À la prochaine. À la prochaine.